Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur la première. Très bon réveil, il est 5h. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Deux enseignants ont été agressés hier au lycée Jean Inglot du Port. L'un des deux a même eu le nez cassé. Leur agresseur, un élève de 16 ans qui se serait énervé après une remarque sur sa tenue. Les deux professeurs ont porté plainte. Une présidence partagée, voilà la proposition de Gérald Maillot, l'actuel homme fort de la CINOR. Rien de nouveau, selon Jean-Louis Lagourgue, le maire de Sainte-Marie, souhaite de son côté revoir le problème de la présidence tournante. Elle sera bientôt sur les produits Porcidou, Porky ou le fleuron de la Réunion, une étiquette porc pays origine garantie. L'objectif est de mettre en avant la filière porcine locale. L'an dernier, le porc pays représentait 50% de la consommation locale. Et puis en football mondial 2018, Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste pour les deux prochains matchs de qualification. Sans surprise, Dimitri Payet fait partie du groupe pour affronter la Bulgarie et les Pays-Bas. C'est tout un lycée, toute une équipe enseignante qui est sous le choc ce matin. Deux professeurs du lycée professionnel Jean Inglot au Port ont été frappés violemment hier. L'un des deux a même eu le nez cassé. Leur agresseur est un élève de 16 ans qui n'aurait pas apprécié une remarque sur sa tenue vestimentaire. L'un des professeurs, pour ne pas lever la main sur l'élève, a encaissé les coups sans réagir. Les précisions de Christine Janot du syndicat d'enseignement CFE-CGC. L'enseignant a été roué de coups et de coups de poing et de coups de pied. On lui a craché au visage et cet enseignant a le nez cassé, fracture du nez, suite à l'agression. Il faut savoir également que cet enseignant n'a jamais voulu répondre aux coups parce qu'il ne voulait absolument pas taper un élève. Donc il a pris sur lui pour ne pas frapper l'élève et ne pas, surtout ne pas porter atteinte à l'élève. Et il a encaissé les coups. Bon, il faut savoir que c'est un enseignant qui est de très bonne constitution, qui a 30 ans et qui aurait pu mettre KO tout de suite cet élève. Christine Janot du syndicat d'enseignement CFE-CGC, jointe par Erwan Poney. Les deux professeurs ont évidemment porté plainte. L'un d'entre eux a eu une ITT de 8 jours. Dans un communiqué, Velayudom Marimoutou a fermement condamné cette double agression. Le recteur qui annonce que l'équipe mobile de sécurité va se rendre au lycée Jean Inglot. Par ailleurs, un groupe académique sur le climat scolaire sera mis en place. Et cette agression intervient quelques jours après la manifestation des enseignants à Rochemaigre, eux aussi dénonçaient la violence et les gestes d'incivilité. Pour le syndicat SNUEP-FSU, cela montre que les élèves en enseignement professionnel sont de plus en plus difficiles. Dans le reste de l'actualité, dernier procès de la semaine aujourd'hui aux assises. René Joie, 38 ans, est accusé du meurtre de son tipère. C'était en 2014 à Montverléo. Il se serait acharné sur le Gramoun pendant son sommeil avec ses poings, une marmite et un couteau. Verdict dans la journée. Et hier, un portois de 65 ans a été condamné à 7 ans de prison pour le viol de sa femme et de sa fille. Lui parle de complot. Il y avait 26 dossiers à l'ordre du jour, notamment le vote du budget supplémentaire. Mais hier, le Conseil communautaire de la CINOR a surtout été l'occasion de revenir sur un des accords politiques, celui de la présidence tournante. Gérald Maillot, l'actuel président, ne veut pas en entendre parler. Il a donc proposé hier une gouvernance partagée. Il serait alors épaulé par 3 vice-présidents. Jean-Louis Lagourgue, le maire de Sainte-Marie, qui aurait dû prendre la présidence ce mois-ci, s'interroge. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui existait auparavant, puisque ce que nous propose Gérald Maillot, c'est le travail du bureau des maires, qui se faisait couramment sous l'ancienne mandature. Et donc, ce qu'il nous propose, ça n'est pas nouveau. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'effectivement, on puisse revoir le problème de la présidence tournante. Parce que délégation au vice-président, avec un président qui est quand même le représentant de la collectivité, ça ne nous convient pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute des véritables enjeux qui sont aujourd'hui sur la table de la CINOR, dans l'intérêt de nos 3 communes. Et qu'on ne continue surtout pas à prioriser les projets d'une commune par rapport aux autres. Jean-Louis Lagourgue, maire de Sainte-Marie, au micro-réunion première de Delphine Poudroux. Gérald Maillot a donc envoyé un courrier aux personnes concernées. Il attend désormais une réponse. Et concernant le budget supplémentaire, il s'élève à plus de 7 millions pour un budget global à la Cynor de plus de 207 millions d'euros. C'est officiel, Marilène Waraud quittera son poste de directrice du Parc National demain, 1er octobre. Un arrêté du 28 septembre du ministère de l'Environnement indique qu'elle sera remplacée par le directeur adjoint Emmanuel Brown en attendant le recrutement d'un nouveau directeur. Au programme également demain, 1er octobre, les rencontres notariales organisées dans 21 communes. On en parle avec l'invité de la matinale dès 7h15. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Bertrand Massé, président de la Chambre des notaires de La Réunion. 5h05 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Ils seront bientôt reconnaissables dans les supermarchés. Les produits porci doux, porky et le fleuron de la Réunion vont être étiquetés porc pays, origine garantie. Pour la coopérative des producteurs de porc de la Réunion, l'objectif est de mettre en avant la filière porcine et bien sûr d'inciter les consommateurs à manger pays. L'an dernier, le porc pays représentait 50% de la consommation totale dans l'île. Un chiffre plutôt satisfaisant pour les producteurs, mais ils estiment pouvoir faire mieux. Et pour cela, ils misent aujourd'hui sur un nouveau logo. Priscilla Etève. Avec la nouvelle appellation Porc Pays Origine Garantie, la coopérative des producteurs de porc de La Réunion clarifie sa stratégie commerciale. Plus question pour le consommateur de se demander si la viande est importée ou juste conditionnée dans l'île, comme ça peut être le cas parfois avec les marques Porcidou, Porky ou le Fleuron de La Réunion. Grâce à un macaron aux couleurs du drapeau réunionnais, le client saura que tout est 100% local, de la naissance du cochon à l'abattage. Mais au-delà de la traçabilité, la CPP PR veut aussi mettre en avant la qualité des produits pays. Des standards de qualité équivalents, voire même supérieurs à ceux de la métropole, selon les producteurs. Dans l'idéal, il faudrait la certifier avec un label, mais ce serait trop coûteux, estime Henri Lebon, président du conseil de surveillance de la CPPR. Et la coopérative, gérée en bon père de famille, ne veut pas dépenser de l'argent dans le marketing. Et la filière porcine qui existe depuis 42 ans à La Réunion. On passe au sport avec d'abord un mot de handball. On joue ce soir la 6e journée de championnat. 6 matchs au programme. Tout le programme, justement, dans notre journal de 6h. En football mondial 2018 en Russie, Didier Deschamps a communiqué hier sa liste de joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres de qualification. France-Bulgarie le 7 octobre au Stade de France et Pays-Bas-France le 10 octobre à Amsterdam. Dame. 5 joueurs ultramarins font partie des 23 sélectionnés. Il y a bien sûr le réunionnais Dimitri Payet. En revanche, on note l'absence du Guadeloupéen Alexandre Lacazette, blessé. Les vice-champions d'Europe en titre auraient sans doute préféré aborder ces rendez-vous avec toute leur force vive, surtout dans le secteur offensif. Mais cela n'inquiète pas le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Non, parce qu'il y a de la qualité. C'est pas parce que sur le dernier match on n'a pas réussi à avoir l'efficacité. Ça l'a été sur les matchs précédents. Le plus difficile en football, évidemment, c'est de marquer des buts. Mais je fais confiance et j'ai confiance en ces joueurs-là parce que ils l'ont prouvé. Ils le prouvent avec leur club aussi, ou ils l'ont prouvé avec l'équipe nationale que ils sont performants et ils sont efficaces aussi. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, je vous rappelle les deux matchs des Bleus, France-Bulgarie le 7 octobre et Pays-Bas-France le 10 octobre à Amsterdam. C'est la fin de ce journal local, place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Ce matin, Noémie Bonin. C'est bientôt la fin d'une grande aventure dans le domaine de l'exploration spatiale, celle de la fameuse sonde Rosetta, un engin de 3 tonnes envoyé aux confins de notre système solaire. Elle va s'écraser sur la comète Chury à la mi-journée ce vendredi. Elle a commencé sa descente, ça y est, après 12 ans de voyage. Pendant sa mission, Rosetta a notamment permis d'en savoir plus sur la naissance de notre système solaire. Un mort et plus de 110 blessés, c'est le dernier bilan de l'accident aux États-Unis. Un train a percuté une gare dans le New Jersey en début d'après-midi. Les causes du drame restent inconnues. La Russie ne change pas de cap et affirme qu'elle va poursuivre ses bombardements en Syrie en soutien à l'armée de Bachar el-Assad. Et ce, malgré les multiples condamnations internationales et les menaces des Américains de suspendre toute coopération sur la guerre syrienne. La situation dans la ville d'Alep est la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie en 5 ans de guerre, selon le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Les Israéliens ont fait leurs adieux à l'ancien président Shimon Peres avant l'arrivée d'une centaine de chefs d'État ce vendredi pour les funérailles officielles. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont d'ailleurs déjà arrivés à Tel Aviv. Les travaux à Hinkley Point vont cette fois vraiment pouvoir débuter. EDF a signé officiellement ce jeudi après-midi avec le Royaume-Uni et le géant du nucléaire chinois. Tout commence vraiment donc pour cette construction controversée de centrales nucléaires nouvelle génération en Angleterre après 10 ans de négociations. L'Europe va-t-elle enfin ratifier l'accord de la COP21 sur le climat ? Les ministres de l'Environnement ont rendez-vous à Bruxelles ce vendredi pour se mettre d'accord. Le texte pourrait ensuite passer au Parlement européen mardi prochain. Et s'il ratifie le texte, le compte sera bon. L'accord sera approuvé par plus de 55 pays représentant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre et pourra donc rentrer en vigueur. Une nouvelle accusation de viol dans l'église française. Un prêtre alsacien a été mis en examen ce jeudi. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur une adolescente pendant près d'une dizaine d'années. Ce curé est aujourd'hui âgé de 58 ans. Fin d'alerte en Martinique après le passage de la tempête tropicale Matthew dans les Antilles. La préfecture évoque 3 blessés légers, mais de nombreuses routes ont été inondées. Dans la soirée, 40 000 foyers étaient encore privés d'électricité, mais les établissements scolaires vont rouvrir en partie ce vendredi. En football, deuxième match d'Europa League pour Nice et deuxième défaite, 5-2 contre les Russes de Krasnodar, malgré un premier but de Mario Balotelli. Saint-Étienne, de son côté, arrache le nul in extremis face aux Belges d'Anderlecht, 1-1. 5h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, il a plu cette nuit, oui. Avec de la pluie sur le nord ça. Et l'est. C'est de la pluie qu'on a eu effectivement, avec des chaussées mouillées, même des flaques d'eau par endroit, si vous réveillez en ce moment et que vous sortez de chez vous, notamment sur le chef-lieu. Alors ça va être à peu près le même type de temps aujourd'hui, hein. Plus nuageux sur l'est, avec pourquoi pas une ou deux averses, et beaucoup plus de beau temps en allant vers l'ouest. Les pitons les plus hauts sommets conserveront un bon ensoleillement, mais d'une manière générale, tout de même, le relief va se couvrir. Et cet après-midi, le long des pentes, on pourrait avoir là aussi quelques averses localisées du côté de Petite-France ou encore sur la région des hauteurs de Saint-Leu, et des débordements sont possibles sur le littoral ouest. On gardera à nouveau des éclaircies comme hier entre Saint-Leu et Saint-Pierre une bonne partie de la journée, avec du vent 50 à 60 km/h du sud sauvage à Saint-Pierre, et puis sur la région de Saint-Denis, température toujours un peu plus chaude par rapport à la semaine dernière, avec 29 degrés en pointe cet après-midi sur les plages. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Salut tout le monde. C'est la dernière de la semaine. C'est dur aujourd'hui. Ah oui mon ami. Normal, c'est vendredi. Ouais, c'est dur, mais enfin, ça va être un peu plus facile. Enfin, en tout cas, peut-être que ça va vous donner un peu plus de baume au cœur. Quoi ? Si je vous dis qu'on vous emmène à Sillaos ce week-end pour un week-end d'exception à l'hôtel Sillaos, un hôtel 4 étoiles. Aïe, une nuit. En chambre double avec petit déjeuner. C'est peut-être le cadeau, le big cadeau, hein, qu'on vous offrira avant 8h. Eh oui, ça veut dire que vous avez, eh bien, à partir de maintenant, tout le temps qu'il faut, mais jusqu'à 8h, enfin avant 8h, pour envoyer vos SMS au 70 2000, vos messages par Facebook sur la page Grand Matin, où on a dépassé les 1000. Ça y est. On est 1000 copains. Eh ben ça oui. Y est. C'est génial. On aimerait encore avoir plus de copains. Ben c'est ça. Eh ben, faut se dépêcher, hein, ben, pour pas. Repartir avec sa participation pour ce tirage au sort. Allez, likez la page fan. Et likez aussi par SMS, comme l'a dit Isa. Priska, c'est déjà fait le like. Bien pour sûr, toi. Depuis longtemps. Bonjour Priska. Salut Priska. Oui, bonjour les amis. Ça oui, va ben, ça y est, j'ai liké depuis longtemps, moi. Elle like, elle poste, elle commente. T'as prévu quoi pour le week-end, toi, Priska? Tranquille, ouais. La plage, pourquoi pas, parce que c'est beau à ce qui paraît, hein. J'ai goûté le bulletin météo c'est dans mal. Le sud. C'est d'ailleurs, je commence mon week-end à Los Angeles, là. Ah, Saint-Joe. Ça y est, on est arrivé, il fait 20 degrés, le jour pas se mal. Lève tranquillement. Oui, ouais. Bah oui, tout va bien. Nana déjà de moon, non si. Ah oui, bah, y a déjà du monde, hein. Moi je suis dans le parking, là. D'accord. Il y a déjà du monde, je vois par exemple un monsieur qui arrive juste en face de moi, il a une plaquette d'œuf dans la main. Mmh. Ah, vous savez, c'est pour toi ça, Prisca, peut-être, hein, la plaquette d'œuf. Il y a une boulangerie juste à côté du marché couvert. Génial. Bon, le pain. Bonjour monsieur, comment ça va? Oh, très bien. C'est pourquoi les œufs là? Ah ben c'est pour la famille, pour tout le monde. Hein. Ah ben non, c'est pas pour Prisca. Moi je suis pas encore arrivé, mais vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà fait votre marché. Vous. Mmh. Premier arrivé, premier servi. Et toc. C'est du. Bien joué monsieur, bien joué. Ça c'est vrai que c'est du bio. Vous avez raison. Il a raison le monsieur. En plus, hein, premier bien arrivé, sûr, premier il a raison. Eh ben oui. Prisca 5h45 tout à l'heure. Allez à tous. Sur le marché de Los Angeles. Bon, d'ici là on va aller rejoindre Juliette qui nous attend pour l'horoscope. À tout de suite, restez là. Au cœur de la Réunion, avec Sonia. Passez une petite heure ensemble pour cette émission qui est la vôtre. Vous donnez des idées de sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre belle île? La fête des gens, et toutes les démonstrations, comment on fait le curcuma, la rougoute. Sachez que ça bouge à côté de chez vous. Au cœur de la Réunion, avec Sonia. Samedi et dimanche, de 9h à 10h, sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Première. On est déjà le 30 septembre, c'est-à-dire que c'est le dernier jour du mois. On va passer en octobre. Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, ça passe vraiment à pas de géant, hein, les jours en ce moment. Et ça file vite. Bah, Juliette, elle est encore là. Bah oui, bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Eh bien voilà, nous allons dire adieu à ce mois de septembre. Nous sommes le 30. Ce sont les Jérémy qui sont à l'honneur. Bonne fête. Merci d'être là. On va sans plus attendre écouter les prévisions astrales de la première. Bélier. Essayez de bouger au lieu de rester scotché sur ce qui ne va pas depuis quelque temps. Taureau, on ne sait pas très bien pourquoi, mais vous ne vous sentez pas libre d'exprimer vos sentiments. Gémeaux, vous vous sentirez en rivalité avec tout le monde. Cancer, une personne de votre entourage proche vous en fera voir de toutes les couleurs et le pire, c'est que vous vous laissez faire. Lion, ne restez pas les bras croisés, action. Vierge, vous n'êtes pas directement concerné par la conjoncture, aussi vous prenez du recul. Balance, le mieux pour vous serait de solliciter l'intervention d'une personne plus expérimentée, si vous voulez réussir à coup sûr. Scorpion, mesurez bien les risques. Sagittaire, vous ne serez pas suffisamment clair dans votre façon de parler. Capricorne, on pourrait vous reprocher un excès d'ambition. Surtout, n'écoutez pas ces personnes. Verseau, quelques malentendus sont possibles. Poisson termine par vous, cette fin de mois vous trouve en pleine force, beaucoup de tonus et de vitalité. Excellente journée à tous et à toutes. Merci Juliette. Merci à toi Juliette et puis à la semaine prochaine pour un nouveau moment avec les astres. Oui. Ah oui. Alors attention, on y va du côté de Compiègne pour tirer quarté quinté plus d'hier. C'est ça. Et du coup, pour gagner, fallait jouer le 13, le 8, le 10, le 4 et le 7. 13, 8, 10, 4, 7, numéro plus gagnant, le 08, 05. Ce soir, eh bien, votre quinté va se courir à Vincennes. Ben oui, nous sommes vendredi, donc ce sera en nocturne, avec un départ prévu à 20h35, 18 partants, 2850 mètres à parcourir, 5 950 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur, du GIR, partenaire de Réunion Première. Il vous conseille le 17, le 14, le 8, le 18, le 2, le 7, le 16 et le 15, 17, 14, 8, 18, 2, 7, 16, 15 pour le quintet de ce soir à Vincennes. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Comme d'habitude. Marion Cotillard a 40 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Marion. Joyeux anniversaire. Mais c'est pas la nana qui était dans Batman, dans la Momie Tout. Si, voilà. Si. Eh ben voilà. On va parler de Marion Cotillard et de sa belle carrière. Jérôme Payet, c'est où? Soleil, c'est où que m'y est. Jérôme Payet, avec C'est où sur première. 5h22, bon réveil. Nous partageons ici ce soir le même rêve de cinéma. Et je palpite. Oh là là. C'était en 2008. C'était l'apogée de sa jeune carrière à Marion Cotillard avec l'Oscar de la meilleure actrice pour La Môme. Ce film où elle qui retrace la vie d'Edith Piaf et où elle joue Edith Piaf. Exactement. La même année, elle était César de la meilleure actrice, Golden Globe de la meilleure actrice pour ce film. Elle a tout raflé. Pour La Môme, il y a la British Academy Film Award. Elle a vraiment tous les prix possibles. 21 récompenses. C'est énorme. Pour te dire, énorme. C'est énorme. Énorme, c'est pour clair. Ce film. Et Marion Cotillard, rappelez-vous, elle s'était fait découvrir par ce film, Taxi 1 en 98, notamment avec Samir Nasseri. Elle jouait la petite copine, la petite copine de Samir Nasseri. Et puis après, il y a eu Taxi 1, Taxi 2, Taxi 2, par exemple, bande originale, rappelez-vous, ça donnait ça. Non. C'est La Vie en Rose. Ça ne donnait pas ça. Ben non, ça ne donnait pas ça. Mais ça, c'est quoi? C'est La Vie en Rose. C'est on parlait de La Môme tout à l'heure. Et en fait, ce film a eu un retentissement dans le monde entier, évidemment. Et il faut savoir que en France et dans le monde, La Vie en Rose, ça représente quand même le glamour à la française, la French Touch, tout ça. Et toutes les grandes marques, eh bien, s'arrachent cette chanson pour pouvoir, eh bien, ils vendent tout avec cette chanson-là. Hein. Par exemple, on a entendu et on va entendre cette La Vie en Rose avec John Legend. C'est pour une grande marque de cosmétiques. Écoute comment c'est beau. Ça c'est Jane Fonda, Eva Longoria. C'est bizarre de voir John Legend chanter en français quand même. Oui, c'est très bien. Ça c'est pour c'est une super, pub avec que des jolies nanas autour de John Legend. Autre Vie en Rose adaptée cette fois-ci pour une grande marque de joaillerie, c'est Mélodie Gardot, la chanteuse américaine qui s'essaye elle aussi en français sur La Vie en Rose. Bon, c'est un peu comme un somnifère, mais c'est pas mal. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. On ne s'endort pas. La vie en rose. C'est chou. Oui. C'est très bien, mais... Tu t'es endormi. Presque, mais ça ne vaut pas Edith Piaf tout de même. Hein. C'est vrai qu'on a voulu reprendre Edith Piaf, mais on n'a jamais su l'égaler. Et c'est normal. Normal. C'est difficile. Moi j'aime bien cette version que Mélodie la copie Gardot soit meilleure que l'original. Mais elle est pas mal. Effectivement, de celle de Mélodie Gardot, Marion Cotillard, donc belle carrière, elle a 40 ans, c'est la femme de Guillaume Canet, c'est l'actrice française la plus célébrée dans le monde. Elle est l'héroïne passionnée du nouveau film de Nicole Garcia, Mal de Pierre. Elle est à l'affiche de 4 films cette année, hein, avec Juste à la fin du monde de Xavier Dolan. Il y a Allié de Robert Zemeckis, c'est avec Brad Pitt. Alors en plus, elle a dû démentir que c'était pas à cause d'elle, hein, que Angelina et Brad y quittent. Elle est enceinte de son deuxième enfant. En plus. Assassin's Creed de Justin Kurzel et puis Rock'n'Roll justement de son mari Guillaume Canet. Bref, Marion Cotillard partout. Ouais. Par tous les temps. Sauf que si tu veux, là, d'accord, elle a la cote, tout ça, mais il y a eu un moment, si tu veux, son jeu d'actrice, ça a fait rigoler un tas de monde sur Internet. Ça a fait un peu le buzz. Elle a joué dans Batman. Oui. Vous rappelez tous, certainement, à la maison ou dans la voiture. Et il y a eu cette fameuse mort qu'elle a jouée. Hein. Elle meurt dans le film. Et c'est vrai qu'en image, c'est très marquant quand même. Ouais. Ah, faut aller voir cette scène. Écoutons quand même la scène. Allez, écoutons la scène. Mon père est accompli. Voilà, c'est fini, elle est morte. Elle est morte. Donc elle ferme les yeux en l'espace de une demi-seconde. Non, mais moi c'est une mort super mal jouée, il faut le dire. Non, franchement. Je ne suis pas d'accord. Bon. Je suis allée voir, j'ai vu ça hier, et je trouve que c'est pas si mal. Mais je trouve que The Moon, vraiment, il aime pour rien. C'est vrai que si tu regardes une telenovela avant, mais non, et que tu regardes ça après, tu peux te dire que c'est bien joué, oui, c'est sûr. C'est une mort avec classe et élégance. Tu veux, elle n'a pas fait, il y a un petit geste du visage. Et puis c'est tout. Ouais, bah ça a fait débat. Hein, ça a fait débat. Game Catas, il faut dire la vérité. Pas tout le monde pense comme toi, Isa. Bref, on restera sur la belle carrière de Marion Cotillard, brillante, avec cet Oscar donc glané en 2008 et ses nombreux films encore dans lesquels elle va jouer cette année. Bravo Marion. sinon, il y a Madonna qui continue sa carrière. Oui, à 50 ans passés, elle enchaîne les tubes. Tout on se bien, souvient quand même de ceux du début, comme celui-là. La Isla Bonita, sur Première. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. Cécile Thomas est à fond sur la Isla Bonita. Fond, les ballons, ah bah oui, c'est des bons souvenirs. Ah bah oui, ça lui rappelle l'époque où elle était blonde. Ouais. À l'époque. Ah bon, comme Madonna. Non, à l'époque, elle était. De, ah oui, remarque, elle était brune à l'époque. Elle était blonde platine déjà, me semble-t-il. C'est ça. À cette époque. Ensuite, elle a été brune, rousse, non? Oui, il y a une époque. En même temps, c'est Madonna, quoi. C'est ça. Voilà. Tous les styles. Veut, hein. Bah, c'est ça. Mais là, nous, on a Cécile Thomas. Bah, c'est déjà bien. Hein. Et c'est bien déjà. Ah, oui. En plus, il est tôt, il est 5h30 au thé. Ah là là. Cécile Thomas pour le journal. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Un nez cassé, une interruption de travail de 8 jours, résultat d'une agression hier matin au lycée Jean Inglot au Port. La victime est un enseignant, l'agresseur un élève. Les professeurs ne supportent plus le climat violent de l'établissement. 800 marmailles dans l'eau à Aquanor hier, des enfants valides et des enfants handicapés réunis dans le jeu. Une manière de les rapprocher et d'effacer les différences. Reportage dans ce journal. Un nouveau logo sur les produits pays, il concerne le porc. Objectif des éleveurs et producteurs pays, vous faire consommer local. Et puis, une nuit consacrée au court-métrage, c'est ce soir au Ciné Cambay. Un coup d'œil au programme à la fin de ce journal. C'est l'agression de trop dans un établissement scolaire. Hier matin, un élève a violemment frappé l'un de ses professeurs. Ça s'est passé au lycée Jean Inglot du Port. Lorsqu'un autre enseignant est intervenu pour porter secours à son collègue, il a lui aussi été roué de coups par l'élève en furie. Le premier professeur agressé souffre d'une fracture du nez et de multiples contusions. Il est arrêté pour 8 jours. Pas question de laisser passer cela. Les deux enseignants ont porté plainte pour Christine Jeannot, secrétaire académique du syndicat de l'enseignement CFE. CGC. Cette agression est grave, mais c'est une attaque parmi de nombreuses autres. Pour elle, les violences sont quotidiennes. Depuis plus de 4 ans maintenant, en lycée professionnel, il y a de nombreuses agressions verbales, des menaces, des agressions physiques qui sont faites, et plus ou moins dans l'indifférence générale. Alors, Effectivement, le rectorat va nous dire que il y a plus d'élèves qui sont exclus 3 jours, plus d'élèves qui sont exclus définitivement. Sauf que parmi le nombre d'agressions, le pourcentage diminue systématiquement. Toutes les semaines, nous avons des agressions. Toutes les semaines, des collègues subissent des agressions. Il faut savoir également que de nombreuses femmes subissent des agressions verbales, sexuelles envers elles. Et ça, c'est intolérable. Et Christine Jeannot, secrétaire académique du syndicat de l'enseignement CFE-CGC, jointe par téléphone par Erwan Ponet. Et dans un communiqué, Velayudom Marimoutou a condamné fermement cette double agression. Le recteur de l'académie annonce également la création d'un groupe académique sur le climat scolaire. Il devrait être mis en place dans les prochains jours. Le recteur souhaite, je cite, « redynamiser la vie en milieu scolaire dans tous ses aspects pédagogiques et éducatifs. L'occasion de réfléchir à la violence à l'école et à la justice. » Justice scolaire. La justice scolaire, justement, on en parle ce matin. Hier, 800 petits Dionysiens ont participé à la journée Jeux d'eau pour tous. Le rendez-vous était fixé à Aquanord, dans les bassins des enfants handicapés et des enfants valides. Et dans l'eau, les différences se sont estompées. C'était bien le but de l'opération, rapprocher les marmailles autour d'une activité ludique. Le reportage d'Olivier de la Richaudie. Bien malin, celui qui pourrait dire qui dans ses bassins est porteur de handicap ou non. D'ailleurs, pour Winery et Morgan, toutes deux élèves en CM2 CLIS, cette journée d'intégration porte pleinement ses fruits. On est en train de faire un petit vité, on est rendu dans l'eau et après, ça met dans le jet d'eau. C'est pour les handicapés, pour venir nager et pour jouer. On joue ensemble, c'est moi, je la protège. Et je les aide. Une journée d'échange qui doit beaucoup à l'élément aquatique qui efface l'espace d'une immersion, les différences entre les individus. Marguerite Titus est auxiliaire de vie spécialisée à l'école élémentaire des Lilas. À l'école, le sport c'est ballon prisonnier, football, mais très limité quoi. Donc on est toujours dans les fauteuils roulants, mais là, on peut permettre à Zad de sortir des fauteuils roulants, amuse à Zad dans l'eau quoi. Au-delà de promouvoir l'accès au bassin pour tous les publics, cette journée de maillage permet aussi à certains élèves de porter un nouveau regard sur leur propre handicap. Chloé Rosamel est auxiliaire de vie spécialisée au collège de Canon. C'est vrai que ce sont des élèves qui ont souvent subi la persécution, les moqueries des autres par leurs différences et d'être entre eux comme ça, de se connaître, ça leur permet de se sentir bien en fait. Après les sports de combat et les jets d'eau, la mairie de Saint-Denis envisage de nouvelles déclinaisons de ces journées sport pour tous, avec pourquoi pas du football ou du tennis de table. Un reportage d'Olivier de la Richaudie. Après la volaille, c'est la filière porcine pays qui communique avec le même objectif, informer les consommateurs et les inciter à choisir les produits de la Réunion avec le logo Porc Pays Origine Garantie. Pas de doute, la viande est 100% pays. Vous pourrez la reconnaître grâce à un macaron aux couleurs du drapeau réunionnais qui sera visible progressivement sur tous les produits Porcidou, Porky et Le Fleuron de la Réunion. Avec ce nouvel étiquetage, la coopérative des producteurs de porc de la Réunion espère que le savoir-faire local sera reconnu. On écoute Geoffroy Chardon, il est responsable commercial de la SICA Viande Pays. Elle permet de promouvoir la viande de porc au sens large pour pouvoir promouvoir ses qualités proprement dites. Et surtout la viande de porc pays, c'est justement une qualité supérieure à la Réunion avec un mode d'élevage particulier qui permet d'avoir une viande avec des qualités organoleptiques bien sûr supérieures. Et notamment le porc pays aujourd'hui il a un capital sympathie très élevé parce qu'il a bon goût. Il est vraiment très apprécié des Réunionnais. Et enfin bien sûr le porc pays c'est aussi le développement socio-économique de la Réunion avec le développement des hauts, avec l'intégration de nos éleveurs qui sont nombreux puisque nous avons des petits élevages à la Réunion pour pouvoir faire profiter la filière réunionnaise à un maximum d'éleveurs et un maximum d'emplois directs. C'est indirect. Geoffroy Chardon, responsable commercial de la SICA Viande Pays, au micro de Priscilla Etève. On passe de l'élevage au champ de canne et la présentation du premier bilan d'une expérimentation qui a débuté il y a 3 ans. Vous le savez, la Réunion avait du retard en matière de traitement des eaux usées. Depuis quelques années, des usines de traitement de ces eaux ont été construites, notamment à Sainte-Rose et à Sainte-Marie avec la station du Grand Prado. Et bien, une fois l'eau traitée, il reste encore des boues, un déchet ultime qui peut être valorisé. On peut en faire de l'engrais à épandre dans les champs. Depuis 3 ans, donc une parcelle de canne accueille ses boues en guise d'engrais et à ce stade de l'expérimentation, pas de mauvaise surprise, mais pour valider les résultats, il faut poursuivre le test. Geoffroy Mercier est le directeur de Veolia, entreprise qui fournit ses boues d'épuration. On est sur un premier résultat, au bout de 3 ans effectivement d'études, pour dire que jusqu'à présent on n'a pas trouvé de différence en fait au niveau de l'épandage des boues de la station d'épuration du Grand Prado avec des engrais chimiques. Donc c'est une excellente nouvelle. Ceci dit, on a encore besoin de certainement une année ou deux pour pouvoir confirmer ces résultats et affirmer que les boues peuvent être un produit utilisable en agriculture. Ce serait une substitution partielle ? Oui, parce que d'une part, on n'en a pas suffisamment dans l'île pour pouvoir se substituer aux engrais chimiques. Et puis d'autre part, bon, les boues ne répondent pas forcément à toutes les demandes au niveau fertilisation des sols. Geoffroy, merci. Interrogé par Olivier de la Richaudie. Et pour cette année, la station du Grand Prado compte fournir gratuitement 5000 tonnes de boues sèches aux agriculteurs de la Réunion. 5h37 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Profitez du mois d'octobre pour revisiter le patrimoine de la Réunion. Tout ce mois-ci, le conseil départemental organise les week-ends nature et en réalité, il y a des animations les week-ends, mais aussi durant les vacances. Plus de 200 visites guidées sont prévues sur 38 sites. Et cette année, en plus des visites guidées, les organisateurs proposeront des ateliers de découverte du patrimoine. Avec par exemple la visite d'un jardin des légumineuses. Présentation avec Dominique Virasamy-Massé, passionné par ses grains. Ce sont des plantes en fait qui ont accompagné les Réunionnais depuis le XVIIe siècle. Il s'agit d'une plante, on va dire, donc qui ont permis, par exemple, aux esclaves dont nous sommes les descendants de pouvoir survivre. C'est ça en fait. Aux engagés de pouvoir survivre. Hein. Donc on regarde les textes hein, du XVIIe, surtout XVIIIe, XIXe. Les grains reviennent en permanence dans l'assiette et bien entendu a permis de préfigurer ben, le plat créole, quoi, bien entendu aujourd'hui. Hein. Et puis ça a été une belle démonstration aussi ce travail qui a commencé en juillet. On se rend compte que les Réunionnais sont très attachés en fait aux légumineuses. Et il a suffi de lancer un appel donc, à la population donc, pour qu'ils nous fassent découvrir leurs légumineuses. On s'est rendu compte en fait, que beaucoup de Réunionnais ont une belle collection chez eux et cultivent encore les légumineuses dans leur jardin, dans leur cour. Donc c'est une famille botanique très représentée dans les cours créoles. Quoi. Des propos recueillis par Pierre Komorasamy. Et pour en savoir plus sur le programme, un numéro de téléphone, le 02 62 97 59 deux fois. Si vous aimez le cinéma, cet autre rendez-vous, ce soir, l'association La Lanterne Magique organise la nouvelle édition de La Nuit du Cours. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une soirée entièrement consacrée au court-métrage. Près de 4 heures de projection sont au programme, fiction, documentaire, animation. Cécile Levessière est la présidente de l'association La Lanterne Magique. Elle nous donne un aperçu de ce qui vous attend ce soir. On propose 3 sélections, avec en bonus et en avant-programme cette année les courts-métrages réalisés par les options cinéma audiovisuel des établissements scolaires. Une sélection à la découverte qui correspond à tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de courts-métrages, puisqu'on a la chance chaque année d'être présent au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et enfin la troisième sélection adulte hein, du vendredi soir, porte sur les films plus expérimentaux. C'est à partir de 22h30 et on a organisé un petit entracte de 22h à 22h30. C'est une manière d'avoir un temps convivial autour des courts-métrages, discuter un peu des ressentis et puis repartir ragaillardi pour voir la suite et la fin de la nuit. Cécile Levessière, présidente de l'association La Lanterne Magique, interrogée par Mélodie Nourry, La Nuit du Cours, c'est donc au multiplex de Cambay. Merci Cécile. À tout à l'heure, 6h pour l'information avec Florent Marot. Il est 5h40 sur la première. Hier soir, de la pluie sur le nord et sur l'est. Donc aujourd'hui, ça restera nuageux dans l'est. Bah plus nuageux qu'ensoleillé, c'est vrai. Dans l'est, à l'est d'une ligne toujours Saint-Denis-Saint-Philippe, on peut avoir quelques gouttes encore à cette heure-ci, notamment sur la plaine des Palmistes, dans le cirque de Salazie, alors qu'à l'ouest... Eh ben rien de nouveau, c'est toujours le beau fixe avec du soleil hein, pour la plupart des régions. Et cet après-midi, et ça va le rester hein, sur le littoral entre Saint-Leu et Saint-Pierre, sera un petit peu plus nuageux tout de même entre La Possession et Saint-Gilles. Débordements nuageux qui viennent des hauts, hein, qui s'ennuageront un peu plus donc dans le courant de la journée. Puis dans l'est, rien de nouveau, on alternera entre passage de blanc et trouée de ciel bleu. Et pourquoi pas une ou deux gouttes sur l'est aussi de la Réunion. Du vent 50-60 km/h sur le sud sauvage et le nord. Et puis globalement ailleurs il n'y aura pas de vent, ce sont des brises qui prédomineront dans l'ouest, ce qui fera monter le thermomètre jusqu'à 29 degrés encore aujourd'hui à Saint-Gilles. Ce sont les dernières de la semaine qu'on va vous offrir tout à l'heure les places pour Enfants Illois. Eh le oui. Concert événement du 7 octobre. Il faudra être rapide de 99-2000. On embrasse Nadine Duguillaume qui fait la route et qui bosse avec Ride la première. D'ici là, la marraine du Téléthon 2016, Stéphanie Tazar, assez. Pas que ma couleur de peau, croyez que j'allais courber le dos, regarde de là ton égo, dedans je suis Il y aura Daniel Waro sur le Téléthon 2016. Ce sont cette année les parrains, les grands-parrains de cet événement que vous suivrez forcément sur Réunion Première. Stéphanie Tazar avec ACL. Et on file sur le marché avec Prisca. Samedi avec Beverly, une drôle de radio. Une heure pour rire et passer un bon moment en musique. L'effet pour votre monde décivilisé, tu vois. La compilation du Zambrocal du Letty. Les temps échangent, que sauve Midiazone. Et la rediffusion des radioménages de la semaine. Tiens, si c'est le praline, et là tu me donnes le pistache pour manger. Tranche papaye de rigueur dans Drôle de radio. Tous les samedis, 11h midi, avec Beverly sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Première. Et on va faire le marché à Saint-Joseph. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Ça y est, Prisca, on finit de prendre café, les bons. Ça y est, je suis avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Bon. Salut Thérèse. Comment il est Thérèse? Comme toujours. Et vous avez un très beau marché à Saint-Joseph. Hein. Thérèse, elle a le mot pour dire. Elle est au comme taquet, toujours. Hein. Comme toujours. Comme toujours. Thérèse, elle a un look, j'adore, parce qu'elle fait comme moi, Thérèse, en fait. Elle met des chaussettes avec des savates. Non. Bon, par contre, là, aujourd'hui, elle ne m'a pas mettre de savates, quand même. Hein. Oh non. Bah, non. Bah oui, hein, Thérèse, c'est ça. Vous faites ça pourquoi? Parce que vous êtes malade. C'est l'amour, ça. Mes pieds, Nina, elle dit, c'est dessous. Ah, d'accord. Donc, c'est pour protéger. Puis, en plus, il fait frais. Donc, du coup, hein, ça tombe bien, vous êtes bien au chaud. Alors, vous avez déjà fait votre petit marché, là, ce matin? Non, la mienne arrive, là, mais ça va payer mon eau. D'accord. Mais voilà, la tente, elle a quoi dans la tente, là? Mon travail, mon petit travail. Ah oui. La séance. Donc juste avant d'aller travailler, vous passez faire un petit coucou aux copines qui travaillent ici sur le marché couvert. Un petit bisou. Un petit bisou, merci. Un petit bisou, voilà, c'est ça. Merci Thérèse, allez, on va vous laisser Thérèse, faire un comme bisou toujours. À votre copine. Ouais, Thérèse, elle est vraiment en forme. Hein. C'est allez, bien. On continue la balade, je vais vous présenter Nicolas. Nicolas, il a ramené du songe, pâté songe tortue, mais là, on a l'impression que Nicolas... Nicolas la gagne la pâte, Nicolas la perd. Aïe, aïe, aïe. On voit plus là. Il croit partout, bah oui, il croit partout. Bah oui, parce que il y a beaucoup de monde déjà. Hein, c'est vrai. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, monsieur est en train de choisir les pommes de terre, madame est en train de préparer sa commande. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin? Des pommes de terre, des tomates, comme d'habitude. Pourquoi vous arrivez aussitôt? Ben, parce que je vais travailler après. Ah bah qu'est-ce oui, que vous faites comme ça, c'est travail, une c'est pas trop indiscret. Travailler avec les enfants. Ça c'est chouette, hein. Ils sont combien? 24. Oh là là, on a de courage, hein. C'est quoi votre prénom? Le Mode. Bon ben Mode, bon courage à vous. Et Erika, ramenez des goyaviers de la plaine des Cafres. Pourtant c'est terminé, c'est pas la saison, hein, goyaviers, des goyaviers. Oui, mais apparemment la plaine des Cafres ça pousse aussi. Ah. Alors j'essaie de me trouver un chemin parce que tombe pas à terre, hein, fais gaffe. Non, ouais. Non. Bonjour Erika. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Il y a déjà du monde là devant vous, hein. Oui, bah, c'est comme ça tous les matins, hein, tous les vendredis. Les vendredis, je vois ça. Et comment ça se fait qu'il y a des goyaviers, là? Bah, c'est décalé par rapport à la plaine des palmistes. donc c'est pas le même climat, donc c'est vrai que là, nous, on commence à en avoir. Il est doux, s'ils sont bien doux, vous pouvez goûter si vous voulez. Ça goûte. Allez, moi, alors. En direct, ça coûte combien? En direct, oui, justement, elle me montre la caisse derrière. Ça sent vraiment bon le goyavier, hein. Et ça, vous allez vendre ça à combien? 1 euro la barquette. Ah, 250 grammes. Mal. 150 grammes, 1 euro, ça va, ça suffit pour faire un coulis, les amis. Ah oui, ouais. Ça c'est clair. Hein? Il y a de quoi que faire. Que Mika n'arrive, on va pouvoir passer en cuisine, Isabelle et Mika. Bah ouais, après surtout Isabelle. Surtout hein Isabelle. Bon, préparez la monnaie, parce que dans un instant, on continue la visite en direct du marché forain de Los Angeles. Pas de problème, à tout à l'heure, Prisca. À toute, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Eh, mais c'est l'heure, là. C'est l'heure de jouer. Allez. Allez. Grand matin. Le mixeur. Et vous jouez tous et toutes là maintenant. Là, oui. À cette heure-là, 5h48. Même s'il n'est pas trop réveillé, il faut prendre le téléphone et compose le 02 62 99 2000. Mais pourquoi il nous appelle? Pourquoi nous jouer? Eh ben pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pour ce concert le 7 octobre prochain. Hein, pour, ah oui. Pour couper des calés, pour craser un bon balaya. C'est ça, surtout pendant qu'après plus là. 3 heures. On n'aura plus la place, hein? Ah bah non. Ah non. Après allez, c'est les fini, places, hein. Les places, on vous les offre sur Réunion Première. Ouais. Désiré, François, l'Indigo, Enfants Zilois. C'est le concert que vous gagnez maintenant. C'est ça, 3 heures de concert seulement pour vous. On accueille le DJ Fou. Oh, DJ hey, Fou. Hey, DJ. C'est ta dernière, DJ Fou. Bon, il est pas là avec ça. Premier, ouais, dernier, du lundi au bon. Vendredi, Nicolas, pas même. Qu'est-ce que tu nous as mixé ce matin? Allez. Allez, on écoute. Ah bah tiens. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. On l'a entendu tout à l'heure en plus. Ben ça c'est facile, forcément, standard, souvenir, holiday. Ah ben. Et puis. Allez, on va du côté du standard, 11h26299000. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, il y a qui à l'appareil? Qui est là? C'est à vous. C'est à vous. Bonjour. Bonjour, c'est il est qui timide, il est timide. C'est qui? Jean. Salut Jean. Jean, ça Jean va, de Jean quel endroit? Du port. Du port. Comment ça va ce matin, Jean? Jean? Ça va très bien. Ça va bien. Vous êtes à la maison? Vous êtes en voiture? Vous êtes où, Jean? La case. Jean. Jean. À la maison. Jean a le chien et aboie. Jean est un peu fatigué. Vous ne l'entend pas. Bah oui, c'est on va ça. Travailler. Ah, on va bosser. Jean va bosser. Vous bossez dans quoi, Jean? Transport. Dans le transport. Alors Jean, on a écouté deux titres. Il nous faut soit l'artiste, soit le titre. Alors. Le premier c'est Madonna. Ouais. Madonna, ouais. Ça c'est bon. Et le deuxième? Le deuxième. Donc Mimi m'a pas pu répondre. On lui connaît pas. Ah bah non, bah non Jean. Jean, c'est facile le deuxième. Sunny. Qui chante Sunny? Sunny. Alors, qui chante ma bec? Ma bec. Ah bah oui, avec le chien. Ah bah oui, Jean, il y a le chien derrière aussi. Le roquet là, il y a. On essaye de vous aider, Jean, mais ça va pas être facile. Bon, qui connaît le titre Sunny? Viens, dans la réunion là. Qui... Ah bah Jean, il est parti. Ah bah Jean du coup. La paix, bah oui, bah il n'entend plus, il n'entend pas. Bon, bah il y a quelqu'un qui va prendre la place de Jean. Bah oui, hein. Le chien était trop présent. Allô? Salut Sully. Salut Sully. Oui, bonjour. Ça bonjour. Va Sully? Oui. Alors bon. Sully, à votre avis? Donc, je sais, Sunny, je crois là, c'est pas Bonnet M ou. Bah si, c'est Bonnet M. Bah c'est gagné, c'est bon. Rode pas plus. Bah voilà, c'est bon. Voilà. C'est dans la poche. Eh ben voilà, deux invitations pour le concert du 7 octobre, petit stade de l'Est, Enfants Zilois, l'époux ou celui. Ah, c'est génial. Eh ben bien. Voilà. Bon, eh ben, c'est nous. Là, on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, celui. Gros bisous. Merci bien à vous aussi. Salut. Bye bye. h 52, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Lallemand, Jeanne Céline. Madame Lallemand, Jeanne Céline, née Nirlot. Le décès est survenu hier à l'âge de 75 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile du centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu à Prima aujourd'hui à 10h, suivie de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge, Sainte-Marie. Décès de Monsieur Boyer, Joseph Paul. Monsieur Boyer, Joseph Paul, le décès est survenu le 22 septembre en métropole à l'âge de 60 ans. Le convoi mortuaire sortira de du domicile de son frère, Boyer Daniel, dit Thérésien, au 82 RN5 Sillaos, aujourd'hui à 8h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sillaos à 9h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Ancelie Floriste. Monsieur Ancelie Floriste, le décès survenu à l'âge de 61 ans. La veillée a lieu au domicile au 167 chemin Combava, balcon Mont-Repos à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. La bénédiction aura lieu en l'église de la rivière des Galets aujourd'hui à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Monsieur Ferrer, Georges Paul. Monsieur Ferrer, Georges Paul. Le décès est survenu hier à l'âge de 75 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 44 rue du Père Collineau à Trois-Bassins. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Boule, née Bruno, Denise, Marie-Claude. Madame Boule, née Bruno, Denise, Marie-Claude, dite Didi. Le décès est survenu hier au tampon à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente de Piton-Saint-Le-Stella aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilles-les-Bains, l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-les-Bains. L'heure sera précisée ultérieurement. Décès de Madame Orange, Jeanne-Marie Lucette. Madame Orange, Jeanne-Marie Lucette, née d'Aride. Le décès survenu hier à la maison de retraite de Saint-Joseph à l'âge de 86 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 2, chemin des Rosiers à Vincent Dau aujourd'hui. L'heure de l'inhumation sera communiquée ultérieurement. Décès de Madame Matillon, née Bray Charlotte Victorine. Madame Matillon, née Bray Charlotte Victorine. Le décès survenu mercredi à Saint-Gilles-Léo à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima à Saint-Denis demain à 10h30. La bénédiction aura lieu au centre funéraire à 9h. L'inhumation se fera au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Monsieur l'Allemand Joseph Jean-Luc. Monsieur l'Allemand Joseph Jean-Luc, employé communal à la mairie de Saint-Leu. Le décès survenu hier à l'âge de 61 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 208 CD3 au plat de Saint-Leu. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Bonamie Alexia. Madame Bonamie Alexia, le décès survenu hier à l'âge de 31 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 30 rue Montée des Veuves à Sainte-Marie. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Madame Attec Claude Nicole. Madame Attec Claude Nicole, le décès est survenu le 15 septembre à l'âge de 51 ans. La veillée se tiendra au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Saint-Jacques, suivie de l'inhumation cimetière de Prima. Décès de Monsieur Turpin, Michel Rosaire. Monsieur Turpin, Michel Rosaire, le décès survenu hier à l'âge de 65 ans. Le convoi mortuaire sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui à 15h30. Une prise de parole aura lieu à la chapelle ardente du Tampon à 15h. Il n'y aura pas de bénédiction. L'inhumation se fera au cimetière du Tampon. Décès de Monsieur Durand Jean-Michel. Monsieur Durand Jean-Michel, le décès survenu mercredi à l'âge de 56 ans. Le convoi mortuaire sortira de la morgue de l'hôpital de Saint-Pierre aujourd'hui à 10h15. La bénédiction se fera à la chapelle du centre funéraire sud à 11h, suivie de la crémation. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Michael, est-ce qu'il y a des infos pratiques? Oui, attention, coupure d'électricité pour Sainte-Marie de 8h à 14h sur la route du Paradis en partie. Les Avirons de 8h à 14h, chemin René-Vitry, impasse de la Source, chemin La Brune, route de la Ravine Sèche et sentier Nénel. Une permanence se tient à la mairie de Sainte-Marie ce week-end avec l'élue de permanence Madame Vivienne Dallot. Vous pouvez la joindre au 06 92 63 03 30 63 03 30. Les services de l'état civil sont joignables au 06 92 86 03 49 86 03 49. Quant à la police municipale, les astreintes funéraires, vous pouvez les joindre au 06 92 64 25 43 64 25 43. À noter que le TCO fait une enquête publique sur sa révision du schéma de cohérence territoriale, le SCOT Ouest. Vous pouvez donc en savoir plus sur le www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Un commissaire enquêteur vous accueillera au TCO, à la Possession, au Port, à la mairie, à Saint-Paul, à Trois-Bassins, à Saint-Leu, dans les mairies centrales et annexes, ainsi que donc annexes de Plateau-Cailloux et Piton-Saint-Leu. Ça y est, le jour se lève. Ah bah ça y est, sur la Réunion. La journée est bien partie, on espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés, que vous êtes prêts pour cette belle journée de ma week-end. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, on est ravis de vous accueillir chaque matin ici, dans la grande famille. Jusqu'à 8h, de la matinale. Avec. Amir, j'ai cherché. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Avec ce fameux You, tous en cœur, c'est bien. Attention, dans la matinale. Cette chanson titre le plus diffusé au Canada. Oui. Dingue. Bah super, ouais. On est content pour le Canadien. On est en l'air ou pas? On n'est pas en l'air. Ah bah ouais. Ça c'était quand même l'info du matin. Alors, Amir, ils écoutent là-bas au Canada, ils écoutent cette chanson en boucle. Eh ben franchement. Voilà. Avec ça, je te Isa, dis. On va passer une meilleure journée. Non mais c'est franchement, sûr. Mais ne me remerciez pas. Ah non, non, non, non. On ne te remerciera pas, non. Ah ok, d'accord. Non. Et 6h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est officiel, Marilène Hoirot quittera son poste de directrice du Parc National demain, 1er octobre. L'information est confirmée par le Parc National et par la préfecture qui parle bien, par ailleurs, d'un parc national, allusion à la polémique sur le déclassement de la structure. Consternation ce matin au lycée Jean Inglot du Port. Deux enseignants ont été agressés, tabassés par un élève de 16 ans. Il n'aurait pas apprécié une remarque sur sa tenue vestimentaire. Résultat, un des professeurs a eu le nez cassé. Il a déposer plainte. Un macaron aux couleurs du drapeau réunionnais, il sera bientôt sur les produits Porcidou, Porky et le fleuron de la Réunion. Objectif du porc pays, origine garantie. Le porc pays, c'était 50% de la consommation locale l'an dernier. Et puis restez avec nous, idée de sortie à la fin de cette édition, la nuit du court-métrage, c'est ce soir au multiplex Ciné-Cambé à Saint-Paul. C'est l'info polémique du moment. Marilène Hoirot a bien été débarquée de la direction du Parc National. C'est désormais officiel. Elle doit quitter son poste demain, 1er octobre. Un arrêté du 28 septembre indique en effet qu'elle sera remplacée par Emmanuel Brown, le directeur adjoint, en attendant le recrutement d'un nouveau directeur. L'information est confirmée par le Parc National et par la préfecture dans un communiqué qui permet d'en savoir un peu plus sur la position de l'État dans cette affaire. Gaël Le Dantec. Comme toute communication officielle, rien de très brutal ni de très explicite dans le communiqué de la préfecture. Mais on apprend quand même qu'un audit du parc national a été effectué par un Conseil général de l'environnement et du développement durable, un organisme national qui publie la plupart de ses rapports, mais malheureusement pas celui-ci. Sa lecture nous aurait pourtant permis de comprendre quelle est cette évolution du management préconisée qui justifie l'éviction de sa directrice. En tout cas, le ministère indique que c'est à la suite de cet audit que la décision a été prise. L'autre information de ce communiqué s'adresse directement à ceux qui, comme le président de région, Didier Robert, souhaitent en finir avec le parc national. C'est que l'État apporte, je cite, « tout son soutien au développement du parc national et à l'approfondissement de ses relations avec les institutions de l'île ». Le préfet en profite pour rappeler le rôle de premier plan du parc national pour garantir la pérennité du patrimoine exceptionnel inscrit à l'UNESCO, une façon de soutenir le président du parc, Daniel Gontier, qui affirme que ce label serait en danger si le parc était déclassé. Le préfet rappelle aussi que le parc est fondé à soutenir un développement économique compatible avec la préservation du territoire. Par ailleurs, le conseil d'administration du parc national a tenu à saluer le travail et l'engagement de Marilène Waro. Une gouvernance partagée, voilà la proposition de Gérald Maillot. Pas de présidence tournante pour l'actuel homme fort de la Cinor, mais la présence de plusieurs vice-présidents. Jean-Louis Lagourgue aurait dû prendre la présidence ce mois-ci, mais pour lui, rien de nouveau. Le maire de Sainte-Marie souhaite revoir le problème de la présidence tournante. C'est la consternation. Ce matin, au lycée professionnel Jean Inglot du Port, deux enseignants ont été agressés. Hier, l'un des deux a même eu le nez cassé et une ITT de 8 jours. Leur agresseur, un élève de 16 ans qui se serait énervé après une remarque sur sa tenue vestimentaire. Les deux professeurs ont porté plainte. Et dans un communiqué, Velayudom Marimoutou a fermement condamné cette double agression. Le recteur qui annonce que l'équipe mobile de sécurité va se rendre au lycée Jean Inglot. Par ailleurs, un groupe académique sur le climat scolaire sera mise en place. Cet épisode intervient quelques jours après la manifestation des enseignants de Rochemaigre, eux aussi dénoncés la violence et les gestes d'incivilité. On revient à Saint-Denis pour cette nouvelle étape dans le plan Savoir nager. Hier, 800 marmailles ont participé à la journée Jeux d'eau pour tous au complexe Aquanor. Des élèves dits normaux, mais aussi des élèves porteurs de handicap, moteur ou mental, ont pu profiter des bassins et des toboggans. Parmi eux, une dizaine d'enfants autistes. Denis Drenaza est enseignant spécialisé à l'école des Badamiers. Un élève qui va aller par exemple dans le pédiluve. Pour un élève classique, il va rentrer, il va se nettoyer les pieds, il va partir. Des fois pour un élève porteur de handicap, aussi pour un élève porteur d'autisme, quand il va rentrer dans le pédiluve, il peut y rester. Parce qu'en fait pour lui, l'eau est un milieu très contenant. Il sent que c'est une matière qui est douce, qui n'est pas agressive, la température est bonne. Donc il se sent bien et il peut très bien s'asseoir et rester dedans comme si c'était une piscine. Il va falloir faire tout un travail de sensibilisation auprès de ces élèves-là, afin qu'ils comprennent qu'il y a différents espaces et que dans différents espaces où il y a de l'eau, il y a des conduites à tenir, des règlements à observer et aussi des libertés qu'on peut avoir parce que tout règlement donne des libertés. Sauf que eux, ils n'ont pas conscience de ça. Denis Drenaza, enseignant spécialisé à l'école des Badamiers, interrogé par Olivier de la Richaudie. Dans le reste de l'actualité, demain, 1er octobre, sont prévues les rencontres notariales organisées dans 21 communes. On en parle dès 7h15 avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit aujourd'hui Bertrand Massé, président de la Chambre des notaires de La Réunion. 6h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Connaître l'origine d'une viande, une information de plus en plus importante pour les consommateurs et la coopérative des producteurs. Le producteur de porc de La Réunion l'a bien compris. Bientôt, les produits Porci Doux, Porky et le Fleuron de La Réunion vont être étiquetés porc pays origine garantie. Un macaron aux couleurs du drapeau réunionnais sera posé sur ces produits. L'objectif est de mettre en avant la filière porcine et bien sûr d'inciter les consommateurs à manger pays, même si la filière ne s'en sort pas si mal, selon Henri Lebon, président du conseil de surveillance de la CPPR. La filière porcine à La Réunion, c'est plus de 220 éleveurs, 300 salariés, dans les 70-80 millions de chiffre d'affaires, tout confondu. On représente à peu près 11 000 tonnes sur les 23 000 tonnes de consommés. Donc, on va dire à peu près 50%. Sachant que sur 11 000 tonnes, il y a 9 600 tonnes qui sont à la coopérative. Les autres, ce sont des indépendants. 11 000, on pourrait faire mieux puisqu'on était à 13 000 tonnes il y a pas mal d'années. Sauf que la mise aux normes est passée par là et les contraintes environnementales ont fait que, à l'extérieur, beaucoup d'éleveurs ont stoppé la production. Henri Lebon, président du conseil de surveillance de la CPPR, la coopérative du port de La Réunion, interrogé par Priscilla Etève. Allez, on passe au sport avec d'abord du handball. On joue ce soir la 6e journée du championnat. 6 matchs au programme. La Cressonnière affronte le Port. Le Tampon sera face à la Saline. Château-Morange se déplace sur le terrain de Joinville. À suivre également Saint-Pierre-JS Panonaise, Possession JSB et Bois de Nèfle Saint-Gilles-les-Hauts. En football, Didier Deschamps a communiqué hier sa liste de joueurs retenus pour les prochaines rencontres de qualification pour la Coupe du Monde en Russie. En 2018, Dimitri Payet, le Réunionnais, fait partie de la liste des 23 pour affronter la Bulgarie le 7 octobre et les Pays-Bas le 10 à Amsterdam. Une idée de sortie pour ce week-end maintenant. Ce soir, l'association La Lanterne Magique organise la nouvelle édition de la nuit du court, la nuit du court-métrage. Au programme, près de 4 heures de projection, de la fiction au documentaire, en passant par l'animation. Il y en aura pour tous les goûts. Deux thématiques ressortent de cette programmation cette année. La famille et l'humour noir. Catherine Legagneur est la secrétaire de l'association La Lanterne Magique, et selon elle, les curieux ne seront pas déçus. Il y a le film qui s'appelle Ghost Cell, qui est à la fois scientifique, documentaire et rêve, où le réalisateur, en fait, il fait un peu une plongée à la Zola dans Paris, comme si c'était à travers une cellule d'un microscope virtuel. Donc, au début, on ne comprend pas trop bien, mais voilà, je vous laisse découvrir. Sinon, on a trouvé justement de chercher dans la partie labo des choses très différentes les unes des autres. Donc, il y en a une très humour noir, un belge l'ours noir, par exemple, qui est vraiment... bon, voilà, il faut quand même s'accrocher au fauteuil. Et puis, sinon, de l'animation... particulière. Il y a aussi plusieurs formes. Catherine Legagneur, secrétaire de l'association La Lanterne Magique, au micro Réunion Première de Mélodie Nourry, la nuit du court-métrage. C'est donc ce soir au multiplex Ciné Cambé à Saint-Paul, tarif plein 18 euros, 9 euros pour les jeunes. C'est la fin de ce journal local, place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info ce matin, Noémie Bonin. Bientôt la fin de 12 ans de voyage et près de 8 milliards de kilomètres dans l'espace. La sonde Rosetta a commencé sa descente vers la comète Chury. Elle va s'y écraser à la mi-journée ce vendredi. C'est la fin de sa mission. Grâce à ce périple, Rosetta a permis d'en savoir plus, notamment sur la naissance de notre système solaire. Un mort et plus de 110 blessés, c'est le dernier bilan de l'accident aux États-Unis. Un train a percuté une gare dans le New Jersey en début d'après-midi. Les causes du drame restent pour l'instant inconnues. La Russie ne change pas de cap et affirme qu'elle va poursuivre ses bombardements en Syrie en soutien à l'armée de Bachar el-Assad. Et ce, malgré les multiples condamnations internationales et les menaces des Américains de suspendre toute coopération sur la guerre syrienne. La situation dans la ville d'Alep est la plus grave catastrophe humanitaire jamais vue en Syrie en 5 ans de guerre, selon le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Les Israéliens ont fait leurs adieux à l'ancien président Shimon Peres avant l'arrivée d'une centaine de chefs d'État ce vendredi pour les funérailles officielles. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont d'ailleurs déjà arrivés à Tel Aviv. Barack Obama, le prince Charles, le roi d'Espagne, mais aussi le président palestinien Mahmoud Abbas sont également attendus en Israël. L'Europe va-t-elle enfin ratifier l'accord de la COP21 sur le climat ? Les ministres de l'Environnement ont rendez-vous à Bruxelles ce vendredi pour se mettre d'accord. Le texte pourrait ensuite passer au Parlement européen mardi prochain. Et s'il le ratifie, le compte est bon. L'accord sera approuvé par plus de 55 pays représentant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre et pourra donc rentrer en vigueur. Une nouvelle accusation de viol dans l'église française. Un prêtre alsacien a été mis en examen ce jeudi. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur une adolescente pendant près d'une dizaine d'années. Ce curé est aujourd'hui âgé de 58 ans. Il dort en prison. Fin d'alerte en Martinique après le passage de la tempête tropicale Matthew dans les Antilles. La préfecture évoque 3 blessés légers, mais de nombreuses routes ont été inondées. Dans la soirée, 40 000 foyers étaient encore privés d'électricité, mais les établissements scolaires rouvrent en partie ce vendredi. En football, deuxième match d'Europa League pour Nice et deuxième défaite, 5-2 contre les Russes de Krasnodar malgré un premier but de Mario Balotelli. Saint-Etienne, de son côté, arrache le nul in extremis face aux Belges d'Anderlecht, 1-1. La Ligue 1 reprend ce vendredi soir avec en ouverture Rennes face à Guingamp. Bon réveil, 6h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et Mickaël, après les nuages de la nuit, le ciel s'est dégagé. Mais retenons quand même qu'il y a du bleu. Allez, il y a du bleu dans le ciel, ça nous fait plaisir ce matin. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir l'arrivée de nuages dans l'est, en tout cas entre Saint-Denis et Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose. Donc l'est, même le nord et le sud sauvage pourraient être intéressés par des nuages porteurs d'averses. Un peu comme hier, hein, en début de matinée, on a eu des nuages qui ont donné quelques averses, puis ensuite ça s'est dégagé. Donc c'est ça peut être le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'ouest et le sud, on gardera un ciel dégagé une bonne partie de la matinée. Les hauts sous les nuages. Et cet après-midi, ils auront tendance à déborder sur le littoral. Ailleurs, donc alternance de passages nuageux et d'éclaircies, sauf entre Saint-Leu et Saint-Pierre, on gardera là, de plus franches périodes ensoleillées, toujours du vent sur le sud et le nord, comptez 50 à 60 km/h. Cet après-midi, température douce ce matin, puisqu'on a observé par exemple 9 à la plaine des Cafres, 21 à Saint-Gilles, tout comme au port. Il faisait un peu plus frais au volcan, c'est vrai, mais c'est vraiment localisé avec seulement 3 degrés. Cet après-midi, on ira jusqu'à 28 degrés le littoral ouest. Ah, le thermomètre va s'affoler alors. Il va continuer de s'affoler puisque jusqu'à mercredi prochain, on va gagner 3 à 4 degrés en moyenne, ce qui veut dire que mercredi, on devrait avoir l'été avant l'heure. Et sur le département, des températures dignes d'un mois de décembre. On croise les doigts. Hein, mercredi prochain, ouais. Une bonne nouvelle. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Direction l'ouest. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machir est à Plateau Caillou. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à vous qui nous rejoignez sur le réseau routier avec un temps plutôt agréable ici dans l'ouest pour l'instant. Ça reste encore assez roulant sur les grands axes, même en provenance de Saint-Louis pour la traversée de la route principale et sur la route de l'entre-deux, on n'a pas encore beaucoup de ralentissements. Giratoire, Palissade, c'est encore fluide. En provenance du Grand Sud Sauvage, les rampes de Manapani, jusqu'au pont de la rivière d'abord, pas de ralentissement de nos pour l'instant. Un léger ralentissement sur le pont de la rivière d'abord, prenant direction de Boulevard Banque. C'est sur la Nationale 2, ainsi que c'est les bretelles de sortie zone artisanale 1, 2 et 3. La circulation est encore fluide. Du côté de Saint-Denis, en provenance de l'Est et de l'Ouest, les entrées restent encore dégagées, même si la circulation est très dense en provenance de Saint-André. Il y a jour de marché aujourd'hui. Je vous rappelle aussi qu'il y a le marché des Camélias. La plus grande prudence à ces piétons qui traversent parfois la route sans regarder du côté des Camélias et du boulevard Doré. Et puis sur la route des Tamarins, pour finir, nous sommes bien avant le viaduc de Saint-Paul en direction du port. Prudence et bonne route à vous. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Hey, c'est vendredi les amis. Eh hey, oui, courage, courage, courage avant Bienvenue le week-end. Bienvenue à tous, c'est vendredi, tout est... permis. Et comme tout est permis, on vous offre 20 euros. Allez hop, comme ça. Eh hey, oui, tout de suite maintenant, au 02 62 99 2000, votre bon d'achat. Ouais, puis on ira sur le marché aussi. C'est vrai ou t'es ? Bah oui, avec Prisca. Saint-Joseph, aujourd'hui. Saint-Joseph, qui nous accueille avec tous ces Réunionnais, ces Réunionnaises qui ont une expérience à nous raconter. Ouais. C'est Prisca qui va à la rencontre, grand matin. C'est avec vous chaque matin. Merci. Merci de vous réveiller avec nous. Vous êtes sur première. Vous y êtes bien. Alors restez-y. Restez là. Voilà. Kungs, Don't You Know. J'adore ce morceau. Bienvenue. I'm gonna... Big city, beautiful. maintenant. I'm gonna ride your bike, big damn fool. Gonna ride your bike, don't you know? I'm gonna ride your bike, big damn fool. Gonna ride your bike, don't you know? Elle, monsieur qui mixe, là, c'est Kuntz, jeune DJ français, originaire de d'Aix-en-Provence, avec l'anglais qui chante Jamie and Comments. Ouais, oui, bah, ça marche bien pour lui hein, depuis le début de l'année. Il a fait 36 concerts dans 11 pays et a pris 72 fois l'avion. C'est que ça va, non? Tout va bien. Bon, bien que ça dure. Sur première, 0262 99 2000, c'est maintenant qu'on vous offre 20 euros. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans ? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Première. Allez, c'est le dernier panier fraîcheur de la semaine que l'on vous offre là, c'est maintenant. C'est ça, c'est pour ça que le standard s'affole, ça clignote dans tous les sens normal. Au 99 2000, vous êtes nombreux à vouloir repartir avec votre bon d'achat. Vous avez bien raison d'ailleurs. Rempli de plein de fruits et de légumes ce panier, oui, c'est peut-être pour vous. Oui, mettez ça pour vous dedans. Il y a des artichauts en ce moment, c'est la saison, pourquoi pas. Et c'est la tradition dans Grand Matin depuis la rentrée. Mmh. On accueille des premiers auditeurs. C'est des ça. Gens comme ça qui passent pour la première fois chez nous. Plaisir, et ça nous fait plaisir, il y a Rémi notamment qui est avec nous. Bonjour Rémi. Salut Rémi. Oui, bonjour. Comment il est? C'est bien. Oui. Rémi de Saint-Denis. Rémi, vous avez une famille? Oui. Bah, vous n'êtes pas sans famille. Vous êtes Rémi avec famille. Avec le famille. Vieux c'est blague. Ça, ouais. Rémi vous êtes, sans famille. Vous êtes combien? On est à 4. Vous êtes 4. Il y a des marmailles? Oui, il y a 2. Et ils ont quel âge? Un petit garçon, 12 ans et 6 ans. Ah, bah, 12 ans c'est bon. Et 6 ans. Faut refaire un troisième, là, Rémi. Allez. On se remet en route, au travail, Rémi. Oui. Oula, pas l'air motivé, hein. Non, il n'est pas motivé pour le troisième. Il est agent d'entretien, Rémi, c'est ça? Oui, c'est ça. Là où ça va, travail, là? Oui, voilà. Là bon, ça c'est travaille. Bien. Demain, là, en week-end ou pas? Oui. Ah, ben, elle est bon. Bah, ça, c'est nickel. Nickel le week-end bon. Avec 20 euros dans la poche. Bravo, voilà. Rémi. Bon d'achat offert par Réunion Première et le magasin Espace Fraîcheur, ouais, les poux. On a eu mal aujourd'hui. Ah, dur, hein. Merci. Pas. Courage, travaille bien et rappelle à nous, hein. Oui. Bonne journée. Merci. Rémi. Bisous. Bon réveil. Allez, bye. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On prend l'avion pour le Saint-Joseph. Oui, bah non, pas besoin, autant prendre le car jaune, c'est à côté. Bah, ouais, enfin à côté, bon. Il dépend. Hein. Pantalola, elle est avec Thérèse, avec Nicolas, et ce coup-ci, Prisca est avec Dolène. Dolène. Oui, on est avec Dolène. Les feux de l'amour. Ah, mais non, il n'y a pas de Dolène dans les feux de l'amour. Dolène dans les feux de l'amour. Elle y connaît pas, que tu parles rien. Jamais regardé. Ah, j'ai confondu avec Dallas. Bah oui, Dallas, oh c'est Soulène. Oh là là là, oui. On n'est pas sorti. Hein. Bon, c'est vendredi. On va essayer. Bisous de Dolène. Bisous de Dolène. Ouais, on est bien. Bah si vous l'êtes bien, on l'est bien. Moi aussi, merci. Préparez-vous parce que Dolène va nous initier au woofing. C'est quoi le woofing, Dolène? Le woofing. Le woofing, c'est des personnes qui viennent nous aider dans les exploitations, on donne un coup de main, on les loge, on les nourrit, voilà. Ah, chouette. Et ils nous aident beaucoup, hein. Voilà, c'est un concept qui vient d'Europe. Oui, qui vient d'Europe. Ouais, c'est des personnes d'Europe qui viennent. Aussi, là, ouais. En ce moment, il y a une Autrichienne chez moi, là, Elisabeth. Mais comment vous faites? Parce que vous parlez pas anglais. Non, ben on se comprend. Normalement, les personnes quand ils viennent, ils parlent un peu français quand même. Hein. Ils apprennent. Ouais. faut qu'ils savent quand même parler un peu français. Donc là, il y a une Autrichienne en ce moment sur votre exploitation. Voilà. Elle vous donne un coup de main pour faire quoi? Ben, tout là, en ce moment là, on est avec le vétiver là. Je vois, ça sent bon le vétiver. Sympa ça. Ben oui, avant hier, on a travaillé très dur hein, parce qu'il fallait passer le tracteur et hier, avec un croc, il fallait enlever les mottes de vétiver. C'était très dur. On a travaillé Oh là là. Hier. Donc elle là, vous donnez. Mais l'agricultrice, Zolène Oui, je suis agricultrice. Elle aussi, dans son pays. Ah ouais. Mais l'Autrichienne. Non, pas du tout. Ah non, et l'Autrichienne, elle vient ici en vacances et elle en même temps. Elle vient en vacances et en même temps, elle vient nous aider, voilà. Okay, pour dépenser moins, ils viennent chez des personnes. Et donc, vous offrez le gîte, le couvert, tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, voilà. En contrepartie, elle vous donne un coup de main. Ben, voilà, c'est ça, ouais. Et vous recevez beaucoup de woofers, comme ça dans l'année? Dans l'année, oui, beaucoup, ouais. Dans des fois par semaine. Tous les 15 jours, on a 2 ou 3 ou même 4, dans des fois 5 aussi. Ah, c'est génial. Voilà. Et elle a ramené aussi, Dolène, des œufs de canne. Moi, je n'ai jamais mangé des œufs de canne. Ah, oui, oui, des œufs de canne, ouais, c'est des œufs de canne de col vert. Ouais. Ben, les Chinois raffolent de ça. Ils ah oui, c'est vrai. On mange ça. C'est vrai. Ben, nous, on mange en, comme créole, nous mangeons en carré, il fait brouillé, il fait carré. On fait la sauce avec le gros piment. On écoute. Ben, il coûte 60 centimes l'œuf. Ah, merci, Dolène. Ça, voilà, ça a quel merci. Goût Ça ben, c'est plus fort que le poulet, mais c'est bon, hein. Ah, ok, ok. Ouais. Est-ce que les œufs, c'est plus gros qu'un œuf de poule, Prisca? Ah oui, le rendement est meilleur, oui, oui. Ouais. Bah, de toute façon, il y aura les images dans un instant sur la page Facebook de Réunion Première. On ira voir. Merci. Allez, juste un petit coucou. Et je vous l'ai dit qu'ici, ça s'appelle Los Angeles, pour rien, parce qu'il n'y a que des stars. Ah. J'ai croisé, après Davy Sicard hier, sur Marché Forum, Brabanon, aujourd'hui, c'est Sergio Gondin. Bonjour. Oh, salut Sergio. Coucou Sergio. Sergio, ou les compteurs, ou Et où ça fait un tease pour nous. En fait, où ça parle à nous un petit peu de grand-mère Cal, parce que dans un instant, ça cause grand-mère Cal avec Jackie. Ça cause grand-mère Cal avec Jackie. Zot, tu connais, c'est pas comment grand-mère Cal est née, moi, les sujets, Zot, tu connais pas. On connaît pas comment grand-mère Alors, Cal est née. Alors, on écoute. Bon, on connaît les simples, là, Jackie. Le soir, quand on entend Fouquet crier, là. Mm. Eh ben, ça, là, pas Fouquet, ça, c'est grand-mère Cal, ça. Depuis qu'elle achète à Eldon Bassin 18, là-bas, à Grand Bois, là. Ben, pour ça, pendant là, il fallait qu'il transforme. Et Banaï dit, depuis, Fouquet, c'est grand-mère Cal qui dort là au volcan et qui ressent de bord de mer le soir pour écouter son petit garçon, façon Lyatt, petit fils, pleurer, qui appelle Cala aussi comme elle. Donc voilà, c'est où vous connaît. Merci Sergio Gondin, on dirait que c'est sur Réunion Première. Quand on l'a acheté grand matin là, Sergio? Écoute, grand matin, moi j'ai un peu de carottes, un peu de betteraves, un peu de gingembre. Vous connaissez, nous on a la chance, Saint-Joseph, d'avoir un joli marché. Donc le matin... Vous lève, vous vient marcher, vous secouez un petit peu, puis vous rentre toute case après. On vous attend ici avec Réunion Première, les amis. Merci Sergio. Salut Prisca. Merci Prisca. Salut Sergio, Jackie et Prisca, ça sera entre 8h et 10h hein, dans la colle Jacques. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on passe à l'économie. Et alors que Kevin Dour, considéré comme le parrain de la cocaïne, comparé au tribunal de Fort-de-France, coup de projecteur sur le trafic de cocaïne, un marché parallèle qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent. La chronique éco, Tessa Gromagne. Dans le monde de l'économie parallèle, la cocaïne est un produit dont l'écart entre le prix de gros et le prix de vente au détail est l'un des plus importants du marché de la drogue. Vincent Le Béguec est le patron de l'Office central de la répression du trafic illicite de stupéfiants. Les trafiquants peuvent acquérir la cocaïne en prix de gros à environ 1000 euros le kilo en Amérique du Sud. Lorsque ce kilo arrive dans les Antilles, le prix d'achat a déjà augmenté, se situe à environ entre 6 000 et 8 000 euros le kilogramme. Arrivé en France, le même kilogramme sera acheté par les trafiquants en métropole à environ 35 000 euros le kilo. Même la résine de cannabis, la bascule n'est pas aussi importante puisque les trafiquants peuvent acquérir le kilogramme à un peu moins de 1 000 euros au Maroc, mais ce kilogramme sera vendu entre 2 500 et 3 000 euros au niveau de la France métropolitaine. Dans l'Hexagone, la cocaïne est vendue 35 000 euros le kilo sous forme de poudre pure. Une fois coupée, elle sera revendue 65 euros le gramme, ce qui fait 260 000 bénéfices théoriques par kilo. Ouais. Beaucoup d'intermédiaires se sucrent au passage, car la route est longue du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie, d'où est produite la cocaïne, jusqu'à l'Europe. La route vers la France passe par la Guyane ou les Antilles. La drogue est transportée par bateau, dissimulée dans des containers ou par des passagers en avion qui ingèrent ou cachent la drogue dans leurs valises. Et le prix du passage par avion varie du simple au double. Vincent Le Béguec de l'Octrice. Une mule est rémunérée à environ entre 5 000 et 10 000 euros par passage. Généralement, incorporée en moyenne, les mules transportent environ 600 grammes de cocaïne, elles sont rémunérées entre 5 et 10 000 euros par passage. Les mules ne sont pas les intermédiaires les mieux payés, même si les tarifs pratiqués pour les autres maillons de la chaîne ne sont pas vraiment connus des services de police. Car la lutte contre le trafic de cocaïne coûte cher aussi à l'État. 60 postes de policiers spécialisés dans les stupes ont été progressivement installés aux Antilles et en Guyane depuis 2004. En 2015, 10 tonnes de cocaïne ont été saisies entre l'Outre-mer et l'Hexagone, ce qui représente une perte de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les trafiquants. Retrouvez la chronique écho en podcast sur lapremière.fr. Do Brasil sur première, Do Brasil. Ça DJ fou, la mix, le jingle là, non? Mais un peu, j'ai l'impression. Oula, bon début de journée, Tala We Wake sur première. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Alors, ce qui est bien, c'est que si vous ne comprenez pas l'anglais, vous avez la traduction avec Tal. Sommes-nous éveillés? Are we awake? Sur première. Ah, d'accord, on a un nouvel album là qui va sortir. Ouais. Alors, on va l'acheter. C'est dans les plus grands disquaires. Mais rien, bon. Cécile. Ben non. On ne nous Allez, pas. Nous. On va sur les routes. Allez Jean-Claude Machir. Jean-Claude, c'est à vous. Oui, dans les rampes de Plateau Caillou, avec ce ralentissement qui est devenu de plus important pendant la direction du port, puisque depuis Plateau Caillou, on a déjà nos premiers ralentissements en passant par les rampes. Il en est de même sur la route des Tamarins. Vous êtes maintenant bien avant le Bernica pendant la direction du port et sur la chaussée royale. Et bien, tout le monde essaie d'éviter cette nationale. Et la chaussée royale commence aussi à se remplir en direction du giratoire Sabiani et de Savannah. C'est le plus gros ralentissement que nous avons pour l'instant, puisque dans l'Est, ça reste encore très dense, mais nous ne sommes pas encore à l'arrêt. Ça ne ralentit qu'au niveau du radar du Chaudron pour aller vers le front de mer de Saint-Denis, vers le Barachois. Beaucoup de monde aussi sur le boulevard Sud. Circulation très dense pour entrer à l'entrée ouest de Saint-Denis, avec un ralentissement au niveau de la caserne de Lambert. Et dans le Sud, pour l'instant, on a un ralentissement uniquement avant d'arriver au giratoire de la Caffrine, sous la déviation de Grandbois en direction de Saint-Pierre. Soyez patients et prudents. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour. Une affaire de meurtre difficile examinée aujourd'hui aux assises. Les faits s'étaient déroulés à Montvert-les-Hauts en 2014. Rappel dans un instant avec Nadine Bachelot. De nombreuses agressions dans les établissements scolaires avec cette dernière en date hier matin au lycée Jean Inglot au Port. Un professeur a eu le nez cassé. Il a porté plainte. Des bouts d'épuration en guise d'engrais dans les champs de canne. Un test grandeur nature est mené depuis 3 ans. Un premier bilan était présenté hier. Et puis la nuit du court-métrage, c'est ce soir au ciné Cambay. Prolongation demain, samedi, pour les Marmailles. On en parle à la fin de ce journal. Aux Assises, donc, une affaire difficile aujourd'hui encore. Le 11 novembre 2014, le corps d'un homme était découvert dans sa case à Montvert-les-Hauts. La victime a été rouée de coups. Premier suspect, le fils de sa compagne, René Joie, 38 ans. Il devra répondre aujourd'hui de meurtre, doublé d'une atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Nadine Bachelot. Quand on découvre le cadavre d'Expédito Robolion, il porte de multiples blessures, notamment des plaies profondes à la tête. Dans le quartier des Hauts de Saint-Pierre, le voisinage est perplexe. La concubine, longuement interrogée, mettra en cause son fils. Le cultivateur à la retraite l'hébergeait ainsi que son fils depuis plusieurs années. Ce soir-là, il serait rentré vers minuit, complètement ivre et en colère. Il se serait acharné sur le Gramoun alors que celui-ci dormait en utilisant ses poings, une marmite et un couteau. Après une journée de cavale, René Joie sera finalement interpellé. Devant les enquêteurs, il assume complètement son geste et comble de l'horreur. L'accusé se serait ensuite livré à des actes portant atteinte à la dignité du cadavre. Promiscuité et alcool sont peut-être à l'origine de ce massacre, mais selon les proches, les relations tendues entre les deux protagonistes pourraient expliquer le drame. En effet, la victime ne manquait jamais de rabaisser le jeune homme, plus introverti, voire sauvage. Durant cette journée d'audience, il sera largement question de l'état psychiatrique de René Joie, même si l'expert a estimé qu'il ne souffrait pas d'aliénation. Nadine Bachelot, début des audiences ce matin. Au port, un professeur a eu le nez cassé hier par un élève qui l'a littéralement tabassé. L'enseignant, qui souffre également de nombreuses contusions, a été arrêté 8 jours. L'un de ses collègues qui voulait lui porter secours a également été frappé par le même élève. L'agression a eu lieu au lycée Jean Inglot, un lycée professionnel dans lequel les professeurs parlent de violences quotidiennes de la part des élèves. Un climat déjà décrit au lycée professionnel de Rochemaigre à Saint-Louis. Hier, pas question de laisser passer cela. Les deux enseignants ont porté plainte. Dans des communiqués, de nombreux syndicats dénoncent cette violence. On écoute Christine Janot, secrétaire académique du syndicat de l'enseignement CFE-CGC. Depuis plus de 4 ans maintenant, nous, en lycée professionnel, il y a de nombreuses agressions verbales, des menaces, des agressions physiques qui sont faites, et plus ou moins dans l'indifférence générale. Alors, effectivement, le rectorat va nous dire que il y a plus d'élèves qui sont exclus 3 jours, plus des élèves qui sont exclus définitivement. Sauf que parmi le nombre d'agressions, le pourcentage diminue systématiquement. Toutes les semaines, nous avons des agressions. Toutes les semaines, des collègues subissent des agressions. Il faut savoir également que de nombreuses femmes subissent des agressions verbales, sexuelles envers elles. Et ça, c'est intolérable. Christine Janot, jointe par téléphone par Erwan Poney. Et dans un communiqué, Velayudom Marimoutou condamne avec fermeté cette double agression. Le recteur de l'académie annonce également la création d'un groupe académique sur le climat scolaire. Il devrait être mis en place dans les prochains jours. Le recteur souhaite, je cite, « redynamiser la vie en milieu scolaire dans tous ses aspects pédagogiques et éducatifs ». L'occasion de réfléchir à la violence à l'école. Politique à présent, il n'avait pas voulu quitter la présidence de la CINOR alors qu'elle devait être tournante. Gérald Maillot propose une alternative. L'élu ne veut toujours pas céder sa place, mais propose une gouvernance partagée. Il espère ainsi faire revenir Jean-Louis Lagourgue, le maire de Sainte-Marie, et Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, qui boycottent les conseils communautaires depuis février 2016. La semaine dernière, faute de quorum, ce conseil avait dû être reporté. Il avait lieu finalement hier. La proposition de Gérald Maillot est à l'étude. Delphine Poudroux. Certains appelleraient ça un compromis pour sortir d'un imbroglio politique. Gérald Maillot, l'actuel président de la CINOR, parle plutôt d'un modèle inspiré de son expérience politique. Après avoir refusé, comme le prévoyait l'accord moral, de céder sa place à la tête de la CINOR, il suggère aujourd'hui une gouvernance partagée. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est une gouvernance partagée composée de vice-présidents de chaque commune avec moi-même pour faire un travail au quotidien à la CINOR dans l'intérêt du territoire. Mais pour Maurice Gironcel, le maire de Sainte-Suzanne, il va falloir d'abord crever l'abcès et qu'il s'explique, dit-il. Viendra ensuite le temps des décisions. On a donc, nous, une position commune. Avant toute prise de décision, donc je me concerterai donc avec le maire de Sainte-Marie, tous mes élus de la CINOR, avec mes élus du conseil municipal, avec mes militants, et ensuite on prendra la décision. Pas question donc de réagir à chaud, car la proposition de délégation pose problème. Et notamment Jean-Louis Lagourgue, le maire de Sainte-Marie, qui aurait dû prendre la présidence de la CINOR. Une délégation de pouvoir, c'est quand même l'autorité, ça reste le président. Et si le vice-président délégué se met sur un chemin qui ne convient pas au président, il a tout le loisir de bloquer également ce qu'on aura décidé. Alors proposer de travailler ensemble, c'est un fait. Mais avec quel réel pouvoir pour les vice-présidents? La question est aujourd'hui posée par les maires de Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Delphine Poudroux, au menu du Conseil communautaire de la Synore hier, 26 rapports avec notamment le vote du budget supplémentaire, un budget de plus de 7 millions d'euros, ce qui ramène à un budget global d'un peu plus de 207 millions d'euros pour la Synore. La Synore toujours avec ce bilan d'étape sur une expérimentation. Les boues d'épuration de la station de traitement des eaux usées du Grand Prado à Sainte-Marie sont recyclées. Elles servent d'engrais dans une parcelle de champs de canne. Il s'agit d'un test qui pourrait être généralisé. Cela fait 3 ans que l'expérience a commencé. Pas de mauvaise surprise pour l'instant. En revanche, il n'est pas question à terme de se passer complètement des intrants chimiques. Frédéric Feder est chercheur au CIRAD dans l'unité recyclage et risques. Selon le type de matière organique, on arrive à complémenter complètement certains éléments minéraux. Par exemple, avec les boues, on arrive à apporter toute la quantité de phosphore nécessaire pour la plante, mais pas la quantité de potassium nécessaire. Donc on est obligé de complémenter, notamment pour les apports de potassium pour la plante. En termes de mise en terre, on est sur moitié boue, moitié lisier, par exemple ? C'est difficile, il faut raisonner en termes de matière sèche. On peut apporter à peu près 3/4 de boues de station d'épuration pour complémenter avec le reste d'engrais. Oui, donc un remplacement partiel, mais qui est quand même conséquent. Qui est conséquent et surtout au niveau économique. Certes, c'est un petit peu plus compliqué de l'apporter, mais au niveau économique, les boues, lorsqu'elles sont encore sous le statut déchets boues produites par les stations d'épuration, elles sont gratuites, elles sont données aux agriculteurs. Frédéric Feder, chercheur au CIRAD dans l'unité recyclage et risques, interrogé par Olivier de la Richaudie. Et pour cette année, la station du Grand Prado compte fournir gratuitement donc 5000 tonnes de boue aux agriculteurs. 6h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Si vous aimez le cinéma, voici un rendez-vous à noter pour ce soir. L'association La Lanterne Magique organise la nouvelle édition de La Nuit du Cours. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une soirée entièrement consacrée au court-métrage. Près de 4 heures de projection sont au programme. Fiction, documentaire, animation. Deux thématiques ressortent de la programmation cette année. La famille et l'humour noir, on dirait, tiens, la famille pour Isabelle, l'humour noir pour Michael. Et demain, journée spéciale Marmaille à partir de 15h30, toujours au ciné Cambet, avec une série de mini-films qui sortent de l'ordinaire, comme l'explique Nathalie Verlinden, chargée d'éducation à l'image au sein de la Lanterne Magique. Le samedi après-midi, c'est les cours des petits. C'est à partir de 15h30 et c'est une sélection de petits courts-métrages qu'on a choisis entre nous à la Lanterne Magique, qui changent de l'ordinaire pour les enfants. C'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des formats un peu différents. Il y a de l'animation avec de la pâte à modeler, il y a un peu de la fiction, il y a un peu de tout, mais des choses qu'ils ne verront pas à la télé, qu'ils ne verront pas sur l'ordinateur et qui sont vraiment chouettes. Pour vraiment la compréhension des films, c'est plutôt à partir de 6 ans, mais c'est aussi tout à fait adapté aux adultes. C'est des films qui sont vraiment super, avec des beaux messages assez forts et qui sont tout à fait agréables à regarder pour les adultes aussi. Nathalie Verlinden, chargée de l'éducation à l'image au sein de la Lanterne Magique, répondait à Mélodie Nourry, je vais y arriver, La Nuit du Cours, ça se passe donc au multiplex de Cambet. Profitez du mois d'octobre pour revisiter le patrimoine de la Réunion. Tout ce mois-ci, le conseil départemental organise les week-ends nature. En réalité, il y a des animations les week-ends, mais aussi durant les vacances. Plus de 200 visites guidées sont prévues sur 38 sites. Et parmi les visites, le sentier sous-marin de l'Ermitage, un parcours de découverte que Guillaume Nedelec, agent de la réserve naturelle marine, présente au micro de Pierre Komorasamy. Nous, on propose des visites guidées du lagon en palme masque tuba. Et là, on va faire découvrir la biodiversité marine, la faune et la flore, une explication de la réserve, un outil important pour la protection des récifs coralliens de l'île de la Réunion. Donc, c'est un parcours dans le lagon avec différentes stations d'arrêt où là on va s'arrêter pour que le guide explique un petit peu le milieu, différents coraux, différents poissons, cause de dégradation. C'est une visite qui dure à peu près 1 heure. En fait, c'est une sensibilisation à la protection des récifs coralliens. Il y a encore beaucoup de méconnaissances sur les coraux qui sont des animaux. Et donc nous sommes là pour informer les gens, leur faire changer un petit peu leurs habitudes, leurs attitude dans ce milieu qui est très fragile et très riche. Et les week-ends de nature commencent ce week-end, demain. C'est génial. Ça tombe bien. Quel suspense. Voilà une idée. Voilà, c'est tout le mois d'octobre et le mois d'octobre commence demain. Demain. Quel suspense. Merci Cécile. Merci. Et on retrouve Cécile à 6h50, quel suspense. Oh là là, pour les nuits de la presse. Il est 6h41. Et le bleu s'impose en ce tout début de journée, Mickaël. Oui, pas trop de suspense là aussi, même si des nuages pourraient venir jouer les troubles faits sur l'est de la Réunion, sur l'extrême nord, Saint-Denis de Chefflieu et puis Saint-Philippe sont des entrées maritimes qui nous arriveraient de l'océan, donc en tout début de matinée, et qui pourraient nous apporter quelques averses. Et puis globalement ensuite, les éclaircies vont venir, des éclaircies prédominantes un peu partout. Cet après-midi, ça sans nuages sur les hauteurs de l'île et sur la partie sud-ouest entre Saint-Leu et Saint-Gilles, on conservera, entre Saint-Leu et Saint-Pierre, pardon, on conservera les plus belles périodes ensoleillées. Ailleurs, alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Température jusqu'à 28 degrés cet après-midi sur Saint-Gilles, 16 au volcan, et les températures vont monter jusqu'à mercredi, voire jeudi prochain, où on pourrait avoir deux belles journées estivales avec des températures dignes d'un mois de décembre. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude Machin, vous êtes sur le quai Gilbert. Oui, c'est un peu le souk aujourd'hui avec les travaux qui continuent sur ce quai Gilbert. Juste à côté, vous avez le marché avec une déviation qui est mise en place avec ce quai Gilbert qui est fermé à partir de la rue Élie Udor. Donc, déviation mise en place pendant cette période de marché. En tout cas, côté circulation, ça se complique encore plus puisque nous étions au niveau du Bernica, mais c'est bien avant le Bernica pour aller en direction du port. Circulation très dense, elle aussi, depuis Plateau Caillou. Alors, depuis la station service, juste avant d'attraper les lampes de Plateau Caillou, c'est là que commencent les premiers ralentissements pour aller en direction de Saint-Paul. Chaussée Royale, giratoire Saviani, il en est de même au niveau du giratoire Savannah pour vous qui venez en direction de la plaine Saint-Paul pour aller vers la nationale. Et à l'entrée ouest de Saint-Denis, pour l'instant, nous sommes au niveau de la caserne Amber avec un premier ralentissement à la hauteur des Potences. Dans l'est, l'arbre, ça s'est densifié. Beaucoup de monde à la ravine des Chèvres, du côté de la Mare, le Verger à Sainte-Marie. Et ça se complique un petit peu maintenant sur le boulevard sud pour aller en direction de Champfleury. Dans l'est, on a un petit ralentissement entre le giratoire de la Plaine et de Brocanote. Et vous êtes déjà nombreux à vous diriger vers le giratoire de la Plaine, et ce, depuis la fin de la deux voies. Soyez patients, prudents et profitez du soleil. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. 6h44 et la matinée, vous la passez avec nous? Eh oui. Sur première. On va embrasser Nathalie qui nous a envoyé son petit SMS. Nathalie. Au 70-2000. Pareil pour Dom du Sud et Eric du Tampon qui fait également partie de la grande famille Grand Matin. Bah faites comme eux, envoyez votre petit message, montrez-nous que vous faites partie de la famille, envoyez un petit j'aime, pourquoi pas sur le 70-2000. 06 92 70-2000. Parce qu'avant 8h, un ou une d'entre vous, par SMS ou même sur Facebook. Oui, c'est parce que c'est Facebook possible. Aussi sur la page Grand Matin. Vous likez la page Grand Matin, GRN apostrophe matin, elle est facile à trouver maintenant, vous êtes plus de 1000 sur cette page. Et bien grâce à ces likes, oui. Vous faites quoi? Vous allez à l'hôtel, grand tirage au sort avant 8h. Donc c'est maintenant vraiment qu'il faut envoyer ces messages via Facebook ou le SMS 70-2000. Petite nuit à l'hôtel à deux, dans un 4 étoiles. Ouais. Moi je dis que là, c'est ça le fait. Rien. C'est vraiment. Pas rien. Et pour ceux, lui ou celle qui ne gagnera pas l'hôtel ce matin, eh bien vous repartirez au moins avec vos places de cinéma pour aller voir Danny Boone. Ah oui, c'est le dernier. Dans les salles obscures, et aller voir Radin. Radin. Je ne sais pas Radin, si lui il est Radin, le Lecci. Nous non, effectivement. Mais le Lecci, en tout cas, il est là tout chaque matin. Maintenant, vous êtes habitué au rendez-vous, c'est son zambrocal quotidien. Ah oui, il s'intéresse aujourd'hui au sport avec les marmailles. Et on prend les mêmes, on recommence, il se pourrait même... Tiens, que tu te reconnaisses, dis donc. C'est vrai? Ah oui! Toi aussi, je pense. Les cours de PS, ah bah, ouais, rien que ça même, si je m'y reconnais beaucoup à moi. Beaucoup de monde, à mon avis. Écoute. À l'école, j'étais d'un bon élève. Si, si, je vous jure, le petit macro à lunettes au premier rang qui blaguait avec le prof, c'était moi. Mi-temps en temps avec tout mon ben prof, qu'importe la matière. Enfin, toute sauf N, le prof de sport. Étant petit, chétif et asthmatique, Zati comprendra que le sport, il pouvait pas être ma matière préférée. Mon corps n'était pas adapté, tout simplement. Hashtag Jeux Paralympiques. Donc ma relation avec le prof de sport l'était assez compliquée. Déjà, faut savoir que de mon temps, on n'avait que deux qualités de prof de PS. Le vieux oreille et le jeune oreille. Car chacun sait que les plus grands athlètes du monde sont blancs. Hashtag Usain Bolt. Le vieux oreille, c'est cet idiot de courir 20 fois autour d'un terrain alors qu'il serait incapable de faire 3 tours sans tombe syncope vu son gros ventre. Et le jeune oreille se veut être à la fois sympathique et moucateur, parce qu'on n'arrive pas à faire 4 actions sur une barre. Allez, allez, encore un effort, hein, ma grand-mère ferait mieux à ta place. Maud mémé la canne nous remplace à moi s'il y veut. Oui, déjà à l'époque j'étais très porté sur le sarcasme. Alors que mes autres camarades de classe, les futurs chômeurs, adoraient le sport, puisque c'était le seul moment où ils pouvaient briller au collège. T'es gars, elle est facile, fais un traction, t'es... Gars, elle est aussi facile que faire une équation à deux inconnus qu'on réfléchit, hein. Sur ce petit foutant, mon camarade de classe était vengé dans les vestiaires en mettant mes vêtements propres dans la cuvette des toilettes. Ah, la belle époque du collège. Bon, elle avait quand même un sport que personne t'aime au collège, c'était la natation. Le sport pour lequel toutes les filles étaient sortant la même excuse pour pas rentrer dans l'eau. Ah non, mais là je ne peux pas, je suis indisposée. Ma fille, ça fait 3 semaines qu'on est indisposée. Je sais pas, aller voir un médecin n'est pas normal, hein. Si on continue vide à doute sang comme ça, on va finir par crever, hein. Mais on sait très bien que la plupart des filles disaient ça juste pour ne pas exposer leur corps pubère à la vue de jeunes mâles en rut. On comprend tout à fait, l'adolescence c'est quand même le moment de ta vie où tu complexes le plus par rapport à ton corps. Qui n'a pas connu ce malaise dans les vestiaires quand tout le monde se déshabille? Bon, on en a 2-3 gars, t'y dérange pas autre du tout de traîner tout nu dans le vestiaire et de monter autre banane à un camarade de classe. Hashtag exhibitionniste. Des années après, ce même gars, il offusque à zot si un homosexuel y mate à zot dans la rue. Mais bon, pour en revenir au sport, les cours de PS, c'était surtout un moyen de nous faire comprendre l'importance d'une activité physique régulière. Je le vois très bien d'ailleurs quand je retrouve mes anciens camarades de classe qui étaient doués en traction. Leur obésité actuelle prouve encore une fois la réussite de notre système éducatif. Coup de claque. Hop. Voilà. 16h50 ça, pour le retour du Lecce. C'est où l'ART ce matin? Ce sera ça avec David. Bah oui, dans le bon tempo. Bah allez, oui. À tout de suite avec Kerzen. Rouvre les yeux. Bah oui, on en a besoin ce matin. Puis juste après les unes de la presse. Ah oui, si là t'as pas ouvert ton yeux, il y a un problème. Cosmant sur Réunion Première. La langue du pays, la famille, la culture, les traditions. Moi, la Réunion, c'est le monde entier en petit. Sur le vivre ensemble quand nous vient d'ailleurs. Cosmant sur la beauté intérieure de la Réunion. Cosmant avec Claude Montanet, tous les samedis de 10h à 11h sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. Première. Allez, on continue cette matinée avec vous. Et vous êtes là, hein. Bonjour la Réunion, oui, Ingrid de Saint-Paul, bonjour Thérèse, bonjour Marc. Oh là là, une salve de messages. Tout le monde veut participer au grand tirage au sort avant 8h. Ça a bien raison. Tu m'étonnes. Whoopé les gaillards. Ben oui, grosse les gaillards. Grosse poignée de main, oh, les là. Bisous à Marie de Saint-André. Oh. Et à tous les routiers aussi qui nous écoutent le matin. Exact. C'est grand matin, la grande famille s'agrandit. Bisous Roxy. Et c'est avec vous, ici, sur Première. Avec Kerzen. Rouvre l'osier. Ça aura l'utilité de vous faire rouvrir les yeux. Enfin, j'espère en tout cas. Ce matin. Ben oui. Kerzen avec rouvre les yeux. C'est un bon conseil en même temps. Si vous n'avez pas rouvert les yeux, il y a Cécile Thomas qui arrive. Oui. Donc, les yeux ouverts. Avec son voilà. Avec les yeux ouverts. Ah bah alors, on va vous donner la pêche, elle. C'est allez, 6h52 sur la première. Les unes de la presse. On commence par la visite d'Éric Cabarèche à Mayotte en une du quotidien. Oui, c'est le premier déplacement officiel de la ministre des Outre-mer, Éric Cabarèche, au chevet de Mayotte, titre Le Journal. Autre titre, au port, deux enseignants agressés par un élève. Nouvelle route du littoral, quand les carrières se font la guerre. Latifa Ibn Ziaten, le combat d'une mère contre le terrorisme, témoignage à lire ce matin dans Le Quotidien. Et puis en football, un jeune Saint-Paulois repéré par l'AS Monaco et éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, Dimitri Payet sur la liste de Deschamps. OP. La réunion de demain en une du journal de Lille. 2020, 2025, 2030, commune par commune, les projets du futur. Titre Le GIR, c'est l'objet d'un supplément de 48 pages avec Le GIR ce matin. Justice Claude Warraud veut redevenir éligible. Et puis pas de foire agricole à Brapanon en 2017. Elle serait difficile à organiser en raison des élections présidentielles. C'est ce qu'avance, enfin de l'élection présidentielle, pardon. C'est ce qu'avance le maire. Avec certainement beaucoup de déçus. Hein. Dans la presse nationale en une du journal Le Monde, la semaine du cauchemar de Sarkozy. Oui, Le Monde fait une liste. NKM, il y a une droite qui joue avec les peurs, regrette la candidate à la primaire. Big Malion, Copé-Blanchy accuse Sarkozy de complot. Squarcini, l'ancien patron du renseignement proche de l'ex-président, a été mis en examen pour trafic d'influence. Et puis Buisson, le livre de l'ancien conseiller d'extrême droite est cruel pour le candidat, commente Le Monde. Autre titre, accord surprise de l'OPEP pour limiter la production de pétrole. François Fillon, lui, est en une du Figaro ce matin. En France, il y a un problème lié à l'islam, d'après le candidat à la primaire à droite, de la droite et du centre. Il s'explique dans le Figaro ce matin. Autre titre, impôts charge la facture des années Hollande. Les baisses d'impôts décidées dans la deuxième partie du quinquennat sont loin de compenser le choc fiscal infligé aux contribuables après l'élection de 2012. C'est le Figaro qui le dit. Le point sur les voitures autonomes en une de Libération. Les voitures autonomes, vous savez, ces voitures qui se conduisent toutes seules. D'ailleurs, Libé demande, c'est qui conduit ? Elle sera la star du monde de l'auto qui s'ouvre à Paris. Pourtant, entre le piratage à distance et les responsabilités en cas d'accident, les inquiétudes sur la voiture sans conducteur éclipsent la prouesse technologique, commente Libé. Autre titre, Rosetta, les dernières heures dans la vie d'une sonde. Et en une de l'équipe ce matin, le roi Wenger. God save Wenger, titre l'équipe qui s'est amusée à refaire une photo de l'entraîneur d'Arsenal. En une, on voit double Wenger il y a 20 ans à son arrivée dans le club anglais et Wenger aujourd'hui, toujours aussi souriant. C'est vrai, il sourit. Autre titre, les ultras vont revenir au parc et puis en golf, les États-Unis veulent renverser l'Europe. Eh bien, on suivra tout ça. Merci Cécile. Merci Cécile, à tout à l'heure. Grand matin, l'appel réveil. Ouais, et puis, s'en est passé des choses hein, dans l'appel réveil de grand matin depuis la rentrée. Merci de répondre à nous quand nous appelons les autres. Beaucoup de Réunionnais et de Réunionnaises se sont réveillés avec nous et on a démarré le 15 août. Ah, mais c'est loin hein. C'est loin. Mais rappelez-vous, d'accord. C'était le 15 août. Allô, allô Jackie. Oui, salut, bonjour. Ah, il nous a reconnus. Oh, la voix du matin. Oui, bonjour. Ok, mais vous n'avez rien bouffé. Enfin, ce qui est marrant chez Claude, c'est que la voix de Claude est la même tout le temps. Oui. Même quand il dort, en fait, il parle. Allô, bonjour. Alors, allez, nous fais vite, parce qu'on a le journal à faire. Bon, alors, il donne le rendez-vous aux auditeurs. Donc, allez, Claude. Heures. Elle s'appelle Patricia, et elle est tati depuis presque 30 ans. Imaginez-vous. Est-ce qu'il y a des moments forts comme ça dont vous vous rappelez, vous, certains marmailles qui sont encore dans votre tête ? Ah, oui, il reste toujours. Oui. Il reste toujours, oui. Oui, oui. Un enfant qui arrive, oui. qui aujourd'hui veut pas voir la scène, que ce soit la scène, il veut pas du tout voir, il pleure, machin. Ouais. Et après, quelques minutes, quelques heures après, dans la journée, ça se passe bien, il détache plus, il accroche. Voilà, on prend la blouse de la SEM et la SEM aussi se rapproche de l'enfant. Voilà, ça c'est... Ça fait du bien. On va dire tous les jours, oui. Ça fait du bien. Une jeune professeure qui a eu son concours dernièrement et qui donc va faire cette rentrée en ce mercredi 17 août. Karen est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Karen. Bonjour à vous. Le réveil s'est bien passé. Ça va ce matin ? Oui, ça va, on est pressé d'arriver à l'école et de voir, rencontrer les élèves, etc. quoi. Bon, on imagine, on a bien dormi ou c'était une nuit un peu compliquée quand même ? Finalement, j'ai très bien dormi, donc je pense que comme la rentrée est bien préparée avec justement ma collègue, tout se passe bien pour le moment, donc là ça va encore, on verra tout à l'heure. Est-ce que cette première rentrée, Karen, vous l'êtes faite déjà dans votre tête ? Vous avez déjà imaginé le bon moment, ce qu'il ne faut pas rater, cette première impression que vous allez faire sur les élèves ? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre tête quand vous pensez à cette rentrée ? Bon, déjà, on prépare un peu ce qu'on va faire, les activités avec les élèves, oui. les présentations, etc. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension le matin, mais oui. Bon, en général, ça se passe bien. Si on voit à peu près qu'est-ce qu'on va faire, le déroulé, etc., bon, ça devrait bien se passer. Et puis, s'il y a des imprévus, comme on dit, la principale qualité de l'enseignant, c'est la polyvalence. Donc, oh. s'adapter, et voilà, quoi. Eh ben, vous avez déjà bien appris la leçon, apparemment. Tant mieux hey. Chaque matin, on a essayé de réveiller la réunion, et eh ben, on décide de se réveiller avec les poulets après cette coucher avec les poules. En tout cas, avec le vendeur. Voilà. Parce que le réveil avec le bon poulet sera compliqué. Ils sont le presque grillés. C'est Nano. Eh oui, qui est avec nous. Nano est avec nous. Il est vendeur de poulet depuis 25 ans. Bonjour Nano. Bonjour Nano. Bonjour Réunion Première. Ça va bien Nano? Réveil grand matin, c'est pas un souci pour vous, hein? Non, ça c'est pas un problème pour moi. Eh bien, ce métier-là, Nano, comment l'arriver? Ben, le fait que dès que j'ai travaillé pendant 9 ans, 8 ans au niveau peintre en bâtiment. Ouais. Pour un patron, mais moi, t'es pas satisfait. Ouais, c'était pas ça. C'était pas ça. Ben, après, il m'a dit, faut bien faire quelque chose, pas mon compte personnel. Et donc, du coup, la tourne a ouvert la vente de poulet. Oui, la tourne avait la vente du poulet et. Pour moi, ça va. 25 ans de longévité ouais. dans le poulet grillé. Ouais. Qu'est-ce qui ouais. a fait la différence, Nano? Qu'est-ce que vous leur faites à vos poulets? Moi, c'est poulet rôti, c'est pas poulet grillé. Poulet rôti. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Vous, c'est dans la machine, alors. Vous voilà. Vous... Moi, c'est des grandes fours. Ça broche. Oh là, ouais. Ça débite à 60 poulets en 45 minutes. Ah oui. Ah ouais. Quand même. Ah oui, c'est du gros débit, hein. Ouais. C'est du gros débit. C'est la machine de bon. Compétition, hein, chez Nano. C'est hein, ça. Donc ça veut dire des centaines de poulets vendus du tout le week-end. Voilà. Ben, bon week-end, ça arrive à 250 pour le week-end. Bah alors justement, Nano, Mickaël l'a dit, des vendeurs, on a l'impression qu'il y en a un petit peu partout entre le poulet rôti, le poulet grillé. Qu'est-ce qui fait la différence? Comment on arrive justement à garder sa clientèle fidèle? Il faut rajouter d'autres produits, il faut se renouveler, ou bien c'est la recette même de la sauce qui fait que bon, il revient rien que chez vous? Ben, faut les dire, chacun a son petit grain de sel. Hein. Et ça, les discret. C'est le secret. C'est le secret de en Nano. En gros, il dira pas nous, quoi. Voilà. Voici les inforoutes avec Jean-Claude Machir. Ça se dit comment en mandarin? Il s'appelle comment? Jean-Claude Machir. Tout ça pour dire ça. Eh ben voilà. Oui. Bah merci voilà. Chun-Li. Merci Chun-Li. À bientôt. C'est à vous Jean-Claude. Chinoise qui est arrivée à la Réunion il y a 5 ans. Et merci à tous ceux et toutes celles qui sont donc qui ont été avec nous hein, chaque matin oui, à 6h50 pour l'appel plaisir. Réveil pour l'appel réveil Jean-Claude oui. Machir. Ben voilà, il est là mais et ça va bien Jean-Claude Machir. C'est cool, je vous attends. Et ben c'est voilà, bien. Vous avez été lancé une deuxième fois par Chun-Li, tiens voilà. Oui, ben c'est génial, c'est très agréable. Bonjour Chun-Li, bonjour à tous qui êtes toujours dans les embouteillages ici au niveau de Saint-Paul. Alors sur la chaussée royale, ça roule un peu mais ça coince vraiment au niveau du Gérard Sabiani. Mais bon, ça roulera très certainement si vous restez sur la nationale en direction de Port. Et la circulation reste toujours dense dans les rampes de Plateau Caillou. Il en est de même à l'entrée ouest de Saint-Denis. Nous sommes pour l'instant à la pointe du gouffre pour aller vers le Barachois. Et dans l'autre sens, eh bien, notre ralentissement habituel commence à la ravine des Chèvres en direction de Saint-Denis. Et dans le sud, nous sommes au giratoire de la Casserine pour aller en direction du boulevard Banks. La bretelle Banks et les ralentis sont environ une centaine de mètres pour aller en direction du pont de la rivière d'abord. Soyez patients dans les embouteillages et bonne route à vous. Cette heure, c'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Deux enseignants ont été agressés hier au lycée Jean Inglot du Port. L'un des deux a même eu le nez cassé. Leur agresseur, un élève de 16 ans qui se serait énervé après une remarque sur sa tenue. Les deux professeurs ont porté plainte. Une gouvernance partagée, voilà la proposition de Gérald Maillot, l'actuel homme fort de la Cinor. Rien de nouveau pour Jean-Louis Lagourgue. Le maire de Sainte-Marie souhaite quand même revoir le problème de la présidence tournante. Elle sera bientôt sur les produits Porcidou, Porky ou le fleuron de la Réunion, une étiquette Port Pays origine garantie. L'objectif est de mettre en avant la filière porcine locale. L'an dernier, elle représentait 50% de la consommation à la Réunion. Et puis en football mondial 2018, Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste pour les deux prochains matchs de qualification. Sans surprise, le Réunionnais Dimitri Payet fait partie du groupe pour affronter la Bulgarie et les Pays-Bas.

Avec la nouvelle appellation Port Pays Origine Garantie, la coopérative des producteurs de porcs de La Réunion clarifie sa stratégie commerciale. Plus question pour le consommateur de se demander si la viande est importée ou juste conditionnée dans l'île, comme ça peut être le cas parfois avec les marques Porcidou, Porky ou le Fleuron de La Réunion. Grâce à un macaron aux couleurs du drapeau réunionnais, le client saura que tout est 100% local, de la naissance du cochon à l'abattage. Mais au-delà de la traçabilité, la CPE PPR veut aussi mettre en avant la qualité des produits pays. Des standards de qualité équivalents, voire même supérieurs à ceux de la métropole, selon les producteurs. Dans l'idéal, il faudrait la certifier avec un label, mais ce serait trop coûteux, estime Henri Lebon, président du conseil de surveillance de la CPPR. Et la coopérative, gérée en bon père de famille, ne veut pas dépenser de l'argent dans le marketing. La filière porcine qui existe depuis 42 ans à La Réunion. Allez, on passe au sport avec d'abord du handball. On joue ce soir la 6e journée du championnat, 6 matchs au programme. Le leader Château-Morange se déplace à Joinville, la Cressonnière affronte le Port, le Tampon sera face à la Saline, à suivre également Possession JSB, Saint-Pierre JS Panonaise et Bois de Nèfle Saint-Gilles-les-Hauts. En football, les qualifications pour le Mondial 2018 en Russie continuent. Hier, Didier Deschamps a donné la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres. Et sans surprise, le Réunionnais Dimitri Payet fait partie des 23 qui affronteront la Bulgarie et les Pays-Bas. Il devra faire oublier les absences de Karim Benzema et d'Alexandre Lacazette. Les Bleus doivent retrouver le chemin défilé après leur match nul face à la Biélorussie. Le sélectionneur Didier Deschamps n'est pas inquiet. Non, parce qu'il y a de la qualité. C'est pas parce que sur le dernier match on n'a pas réussi à avoir l'efficacité. Ça l'a été sur les matchs précédents. Le plus difficile en football, évidemment, c'est de marquer des buts. Mais je fais confiance et j'ai confiance en ces joueurs-là parce que ils l'ont prouvé. Ils le prouvent avec leur club aussi, ou ils l'ont prouvé avec l'équipe nationale que ils sont performants et ils sont efficaces aussi. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. France-Bulgarie, ce sera le 7 octobre au Stade de France. Et Pays-Bas-France, le 10 à Amsterdam. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on commence, Noémie Bonin, avec les funérailles de Shimon Peres aujourd'hui. Israël se prépare à accueillir sous très haute sécurité une centaine de chefs d'État du monde entier pour les funérailles de l'ancien président Shimon Peres ce vendredi à Jérusalem. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont arrivés dans la soirée. Ils ont voyagé dans le même avion. Ces dernières heures, des dizaines de milliers d'Israéliens ont défilé devant le cercueil de Shimon Peres. Un train bondé qui ne freine pas à son arrivée en gare et qui déraille, c'est le scénario de l'accident en début d'après-midi dans le New Jersey aux États-Unis. Le bilan fait état pour l'instant d'un mort et plus de 110 blessés. Il n'y a plus rien à faire désormais. La sonde Rosetta a commencé sa descente vers la comète Chury. L'engin doit s'y écraser à la mi-journée tout à l'heure. Rosetta n'a plus d'énergie, mais elle pourra quand même faire des dernières mesures et des images inédites avant l'impact final. Le bilan de cette sonde est très positif. Elle a pu envoyer une multitude d'informations pour mieux comprendre notamment la naissance de notre système solaire. Les voitures électriques stars du mondial de l'automobile qui ouvre au public ce week-end à Paris. Hier, les professionnels ont pu découvrir les nombreuses nouveautés. Le contexte est assez particulier cette année. C'est le premier mondial depuis le scandale du diesel qui a touché notamment Volkswagen. Le nombre de voitures diesel continue de chuter depuis cette affaire. L'Église française face à de nouvelles accusations d'agression sexuelle. Un prêtre a été mis en examen hier en Alsace. Il est soupçonné de viol sur une jeune fille pendant près d'une dizaine d'années. Une intoxication à Marseille hier. Une cinquantaine d'élèves d'une école du 10e arrondissement ont été hospitalisés sans que leur état n'inspire d'inquiétude. Les enfants avaient des vomissements et des maux de tête. On ne sait pas encore pourquoi, mais la préfecture évoque une possibilité de gastro-entérite collective. L'école va rester fermée ce vendredi. Le PSG veut accueillir à nouveau des supporters ultra au Parc des Princes et leur retour se précise. La préfecture de police de Paris accepte sous condition après une réunion avec ce club ce jeudi. Depuis des mois, le président du PSG réclamait un Parc des Princes plus bruyant, avec plus d'ambiance. Certains groupes de supporters sont interdits de stade depuis 2010. Le foot sur le terrain et Saint-Etienne fait un nouveau match nul en Europa League. Un partout face à Anderlecht. Égalisation dans les derniers instants de jeu. Les Niçois, de leur côté, ont passé une bien mauvaise soirée. Défaite contre les Russes de Krasnodar, 5-2. Ce vendredi, le derby breton ouvre la 8e journée de Ligue 1. Rennes reçoit Guingamp à 20h45. 7h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Attention. Est-ce que ce serait pas un bleu trompeur dans le ciel ? La Météo France nous dit, en tout cas qu'il fait beau ce matin, mais qu'on pourrait avoir quelques entrées maritimes qui arriveraient par l'océan et qui intéresseraient la côte est, nord et le sud sauvage entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Un peu comme hier, alors on n'est pas à l'abri de ces nuages avec une ou deux averses accompagnant donc ces bandes nuageuses. Mais globalement, le ciel est plutôt dégagé ce matin, surtout dans l'ouest et le sud. Les températures vont vite grimper, on atteindra les 28 degrés sur les plages. Un peu de vent pour rafraîchir un peu l'atmosphère sur le nord et le sud, sur Saint-Denis notamment, et de l'autre côté vers Saint-Pierre et Saint-Joseph. Les nuages vont s'installer cet après-midi sur l'ensemble des hauteurs. Les pitons devraient rester au-dessus de la couche. Et puis ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec de belles périodes ensoleillées tout de même entre Saint-Leu et Saint-Pierre. Et puis pour ceux qui aiment l'été, il va arriver une première fois en tout cas, première salve de l'été, à partir de mercredi prochain. Les températures vont grimper jusqu'à mercredi, voire jeudi, avec des valeurs au thermomètre qui pourraient dépasser les 30 degrés sur le littoral. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça veut dire que le week-end prochain, on sera tous à la plage. Attention, j'ai dit mercredi, jeudi. Oui, mais ça non. Allez, soyons fous. Oh là là. Jusqu'au week-end, soyons pas fous. Possible. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et pour le moment, on va pas à la plage, on va à la possession. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Le point route avec vous, Jean-Claude. Et la première place, elle est bien loin de nous ici, la possession. Oui. Donc on y pense pour ce week-end. Et Mickaël, on vous a pris au mot, moi et les automobilistes. Oui. À partir de mercredi, on devrait avoir 30 degrés, on devrait avoir chaud. Oui. Sinon, pas le cucu, hein. Ouais, ça rappelle ma faute, hein. Bon. En tout cas, je reste changé sur la route du littoral. Nous sommes toujours à la pointe du gouffre, toujours autant de monde en provenance du viaduc de Saint-Paul pour aller vers le port. Et les travaux ont commencé au port entre le rond-point des Danseuses et la rue Simon-Pernic sur le boulevard des Mascareignes. Ce sont les travaux d'ouverture de chambres qui vont durer jusqu'à 16 heures. La circulation est alternée à la hauteur de ce chantier. La vitesse est limitée à 30 km/h dans ce secteur. Du côté de Saint-Paul aussi, des travaux à Saint-Gilles-les-Bains. Ce sont toujours ces mêmes travaux de tirage de câbles qui se poursuivent. Circulation alternée à la hauteur du chantier, c'est jusqu'à 16 heures. Et là, la vitesse est limitée à 50 km/h elle aussi. Alors, prudence et bonne route à vous sur le réseau routier. Merci Jean-Claude Machir. À suivre l'invité de Grand Matin à 7h15. Le président de la Chambre des notaires de La Réunion, maître Bertrand Massé, sera avec Philippe Dorguet. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Première. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jackie Revel. À l'émission des signes de terroir, Sacnouyem. Ah ben là, moi les devant ma roue salade. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez vu comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens aient parlé avant, maintenant est-ce que c'est vrai, pas vrai. La colle Jacques avec Jackie Revel, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensible, plonger dans les forêts primaires, explorer des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Et avant l'invité de Grand Matin, c'est l'inforoute spéciale avec Jean-Claude Machir. Oui, ça même. Jean-Claude, quoi l'arrivée ? Oui, un accident sur le viaduc de Saint-Paul en direction du nord, donc ça va compliquer encore les choses. Les véhicules sont bien abîmés et les véhicules sont sous la voie médiane. Donc la plus grande prudence dans le secteur. Donc je rappelle, accident sur le viaduc de Saint-Paul en direction du nord. Prudence et patience. Allez, cette fois-ci, Il est 7h16 dans toute la Réunion. Bienvenue à tous. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Ce matin vous recevez Maître Bertrand Massé, le président de la Chambre des notaires de La Réunion. Maître Massé, bonjour. Bonjour. Vous organisez demain les rencontres notariales. Pourquoi les gens qui nous écoutent viendraient vous voir? Il faut une raison bien précise, non, pour aller à la rencontre d'un notaire ou aller chez le notaire? On a toujours une question à poser à son notaire. C'est la raison pour laquelle on fait chaque année ces rencontres notariales qui sont un moment privilégié où nous nous ouvrons à la population. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est sans rendez-vous. Voilà. La nouveauté de cette édition 2016, c'est que les mairies sont partenaires des rencontres notariales. Donc ça n'a pas lieu dans vos études où vous recevez vos clients habituellement. Quel intérêt de vous associer aux municipalités ? Alors c'est l'intérêt est d'abord de ne pas recevoir dans nos études, et ensuite c'est d'aller au plus près des populations, puisque on a sollicité les 24 communes. Alors toutes n'ont pas répondu, il y en a 21 qui ont répondu positivement. 21, c'était d'ailleurs toutes, sauf toutes. C'est plus facile, ça va plus vite de dire celles qui participent pas. Du coup, c'est l'Étang Salé, Saint-Philippe et Sainte-Rose qui ne participent pas. Donc dans toutes les autres communes, il y a des rencontres notariales. Absolument. Donc ils nous ont mis à disposition une salle communale et donc ce sont les notaires qui se déplacent à l'écoute de la population et au plus près de la population. Les consultations seront gratuites demain, mais le reste du temps, est-ce que Monsieur Tout-le-Monde a les moyens de passer par un notaire? Les honoraires sont souvent très élevés. Ah oui, alors ça c'est une grande question ça. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi on organise les rencontres notariales, parce qu'on se dit souvent, oulala, je vais pas aller chez le notaire, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, et surtout c'est très cher. Voilà, j'y comprends rien, c'est très cher. C'est la plupart du temps ce qu'on nous dit quand on va chez le notaire. Non, je rappelle rapidement que le tarif des notaires, il est tarifé, c'est-à-dire qu'il est prévu par un décret, et puis qu'il y a dans les frais de notaire, dans ce qu'on appelle les frais de notaire, malheureusement 80% de fiscalité la plupart du temps. Donc voilà, donc on n'est pas à l'origine de la cherté. Pour le reste, vous pouvez venir nous voir, tous les jours dans nos études. Les consultations, alors j'aime pas dire que les consultations sont gratuites parce que ça dévalorise ça, mais c'est vrai que lorsque vous venez nous voir pour préparer un acte, pour demander à calculer une plus-value, pour demander un conseil avant la donation, je vais pas vous faire payer le conseil, je vais pas payer le calcul de la plus-value, puisqu'il y aura la vente après ou la donation après. Voilà, donc il faut pas hésiter à venir voir son notaire. Et est-ce qu'il existe des aides pour que les personnes qui ont le moins de moyens puissent malgré tout bénéficier du service d'un notaire? Oui, alors on n'a pas d'aide juridictionnelle au sens propre du terme. Comme ça existe en termes de justice, effectivement. Absolument, mais le département de La Réunion a mis en place une aide qui est une aide à l'amélioration de l'habitat. Donc c'est lié à l'amélioration d'un habitat ou à la construction d'un logement social. Et donc à la régularisation du statut d'occupation. C'est sous condition de ressources, mais c'est une aide qui peut aller jusqu'à 3000 euros pour le paiement ou l'aide au paiement des frais de notaire. Alors un notaire, dans 6 cas sur 10, il est consulté pour des questions immobilières. Beaucoup de gens rêvent d'être propriétaires de leur propre case. C'est de plus en plus difficile de réaliser ce rêve. Alors c'est plus en plus difficile, oui et non. Alors je vous signale qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont historiquement bas, puisqu'on a des taux d'intérêt entre 1,50 à 80%. Ça s'est jamais vu. Hein. J'ai rencontré un client la semaine dernière qui a fait un prêt de 140 000 euros pour construire sa maison. Elle a une partie à taux zéro et puis une autre partie où elle est à 1,40. Quoi. Il y a 8 000 euros d'intérêt sur 15 ans. Le contexte bancaire est très favorable. Le contexte bancaire est très très favorable. Après, pour le reste, bien, on est sur l'île, donc les terrains à bâtir sont de plus en plus compliqués à trouver, ils seront de plus en plus rares. Et de plus en plus chers, plus rares. Et de plus en plus chers. Et de plus en plus chers, parce que ce qui est lié, il est à combien le mètre carré dans les différentes micro-régions de l'île? Alors, on a lancé le baromètre de l'immobilier, effectivement, l'Observatoire des prix de l'immobilier, on l'a appelé comme ça, depuis avril. Il est d'ailleurs en ligne sur le site internet de la Chambre, qui a été remis au goût du jour et qui est en ligne depuis début septembre. Alors, c'est très variable, il faut faire attention. Hein. Sur La Réunion, le prix du terrain à bâtir est en moyenne de 200 euros le mètre carré. Voilà. Mais c'est une des statistiques qui est la moins... à prendre avec le plus de pincettes, parce que, vous le savez, à La Réunion, les terrains ne sont pas toujours plats. Et puis ils sont parfois avec une forte déclivité, donc ça je viens de le dire, mais par contre ils sont enfin ils peuvent être à proximité d'une ravine par exemple, donc voilà, entre le terrain qui est sur la côte, entre le terrain qui est un peu moins sur la côte, entre le terrain qui est à mi-pente, selon les communes, oui, le prix est quand même beaucoup plus disparate que la moyenne que je viens de vous donner. Mais et le notaire, il a un rôle d'information aussi à ce niveau-là, sauf qu'il intervient souvent une fois qu'on va conclure la vente, mais il est pas trop tard parfois pour dire attention, vous allez acheter un bien qui est dans telle situation ou telle autre. Alors d'abord, le notaire n'intervient pas dans le jeu de l'offre et la demande. Hein. Ça, c'est, alors, sauf cas particulier de négociation qui est confiée à une étude de notaire, ce qui est possible. Pour le reste, oui, notre rôle, il est surtout dans ce cas de vérifier que le prix n'est pas trop bas, qu'il n'y a pas pression qui est faite sur un vendeur pour vendre trop bas. Voilà. Après, vous avez le droit d'acheter trop cher. Ça, c'est votre problème. Il y a beaucoup de spéculation. Garder des terrains pour faire monter les prix, ça existe. Ah oui, ça existe. Tout autant, ça existe. Alors, à La Réunion, est-ce qu'il y a beaucoup de spéculation? Non, je dirais pas ça. Mais par contre, c'est vrai que la spécificité de La Réunion, outre le fait qu'on est sur une île, c'est qu'on a les deux tiers de l'île qui sont des pitons, des montagnes, des remparts. Donc, ce sont des terres qui, de toute façon, ne seront pas urbanisables. Alors, on peut hériter d'un terrain et ne pas avoir les moyens de payer les impôts fonciers qui vont avec. On voit ça très souvent. C'est votre rôle de prévenir les familles des conséquences d'un héritage? Les conséquences financières. Oui, bien sûr, bien sûr. Non seulement c'est notre rôle, mais ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire de conseiller les familles. Alors vous avez évoqué la taxe foncière. La taxe foncière, on n'y voit pas grand-chose, mais en revanche, on peut jouer sur les droits de succession en anticipant la succession par des donations et en anticipant aussi le partage successoral par des donations partage. Voilà. Comment on fait quand on n'arrive pas à régler ces fameux impôts fonciers quand on a hérité? Alors, les impôts fonciers sont liés à la propriété, donc c'est dû quoi qu'il arrive. J'imagine que dans votre esprit, c'est plutôt les droits de succession que vous évoquez. Alors comment on fait? Ben il y a des possibilités de demander des paiements différés sur 3 ans ou fractionnés sur 3 ans ou différés jusqu'au décès de la maman qui a l'usufruit, la jouissance quoi. Et puis le principe c'est que vous vendez un bien, hein, vous vendez le bien, voilà, il vous restera de toute façon ce qui vous a été laissé par vos parents, c'est-à-dire la différence. Et ce qui est difficile aussi, c'est le partage des terrains. Quels sont les cas les plus fréquents que vous rencontrez? Alors le partage des terrains, c'est compliqué à La Réunion, parce que la Réunion a la particularité d'avoir des successions qui n'ont pas été réglées depuis très très très longtemps. Moi j'ai des dossiers pour lesquels les défunts sont décédés au tout début des années 1900, et donc on a 2, 3, 4 générations avec plus de 70 héritiers, parfois plus de 100. Un terrain qui peut être grand, mais alors après, pour les mettre autour de la table et pour essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent, c'est compliqué, d'autant que la règle, ça reste l'unanimité hein, pour le partage amiable. Voilà, donc sinon il faut faire appel au juge. Il y a d'autres techniques comme la vente à la majorité des deux tiers, ça il faut l'expliquer, ça existe, mais cette vente à la majorité des deux tiers, elle finit toujours par une vente aux enchères, ce qui n'est pas véritablement voulu par les héritiers, parce que souvent ce qu'ils veulent, c'est de partager, conserver le terrain. Et enfin, c'est compliqué, ça. Et par contre, pour les acquéreurs, les ventes aux enchères, c'est quelque chose d'intéressant? Oui, ça peut être très intéressant. Il y en a souvent à La Réunion? Il y en a de plus en plus. On est en train de développer, nous notaires, les ventes aux enchères sous deux manières, ce qu'on appelle les ventes interactives, un peu comme le système eBay, c'est-à-dire que vous allez sur internet pendant une semaine et puis vous enchérissez, et si vous êtes le plus grand enchérisseur, eh bien on propose ensuite l'offre à l'acquéreur qui décide de vendre ou de pas vendre, hein. Et puis après vous avez la vente aux enchères classique, mais qui peut être volontaire, qui est pas obligatoirement forcée par le tribunal. Oui, on en fait de plus en plus. Les notaires interviennent aussi pour des dossiers familiaux. Est-ce que les Réunionnais sont nombreux à préparer un testament? Non, là aussi, il y a une tradition réunionnaise qui est donnée. Hein. Le papa a son terrain. Si petit soit-il, il va faire en sorte de trouver un morceau pour son fils ou pour sa fille, en tout cas pour tous ses enfants. Donc c'est plutôt des donations partage que des testaments. On anticipe le plus possible la succession. C'est le contraire en métropole. Hein. Il y a plus de successions que de donations. Et c'est quoi l'intérêt d'une donation finalement? Ah ben, l'intérêt d'une donation, elle est d'abord fiscale, puisque les droits de donation, qui sont des droits de succession, en fait, sont calculés sur la valeur de la nue propriété. Dans 90%, on conserve, le papa ou la maman conserve la jouissance, hein, conserve le droit d'habiter le bien. Il faudrait pas qu'il donne et qu'il soit mis dehors, quand même. Et donc, ça fait des économies fiscales relativement importantes. Et puis ensuite, si on peut allier à la donation un partage, en disant, ben voilà, toi, tu prends le lot numéro 1, toi, tu prends le lot numéro 2, et ben, au jour du décès, il n'y a plus rien à faire. Le bien a été donné, et en plus, il a été partagé. Donc, vous imaginez qu'en termes de paix des familles, c'est 100% bingo. Un mot sur votre actualité, c'est la loi Macron qui va permettre l'ouverture prochainement de nouvelles études. Il y aura de nouveaux notaires à La Réunion. Oui, il y aura de nouveaux notaires à La Réunion. Donc c'est la fin de la loi Macron, hein, puisque la loi Macron date de l'année dernière. On attendait, elle a porté sur deux choses, sur le tarif des notaires. Donc là, on a été fixé depuis mai, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Il y a eu une baisse d'1,40%. Donc la montagne a couché d'une souris. Par contre, en ce qui concerne les installations, oui, sur La Réunion, donc la carte vient d'être publiée. Hein. Sur La Réunion, il y a 6 nouvelles études qui sont prévues. 2 dans le nord, 2 dans le sud, 1 dans l'est et 1 dans l'ouest, avec un objectif de 10 notaires sur 2 ans. Il y a de la place pour tout le monde. La concurrence sera plus vive. Comment vous voyez ça ? Écoutez, moi, je suis très perplexe. Hein, je l'avais déjà dit d'ailleurs. Mais pourquoi ? Parce que l'autorité de la concurrence avait même dit. Hein, parce que l'autorité de la concurrence, c'est l'organisme qui s'est occupé de la mise en place de la carte. Et elle avait dit, bon, bah, moi, je préconise, voilà, 6 nouvelles études, 10 installations sur La Réunion. Mais je vous le dis tout de suite, j'ai pas suffisamment d'éléments, notamment statistiques, pour savoir comment ça se passe dans les DOM, et en particulier à La Réunion. Voilà. Donc, ce qui est certain, nous, c'est que, bah, on a un petit territoire, l'économie, elle est scalée, elle bouge pas beaucoup, et j'ai bien peur que, pour les années prochaines, eh bien, on soit obligé de diviser entre les études existantes et les nouvelles études, bah, le même gâteau économique. Et on reparlera des journées notariales tout à l'heure chez Claude Montanet avec maître Jérôme Sidney, dans les experts, qui répondra aux questions des auditeurs de 10h15 à 11h30. Merci d'avoir accepté notre invitation, Bertrand Massé. Bonne journée. Merci, Philippe. Et puis, si vous avez raté, donc, maître Bertrand Massé, président de la Chambre des notaires de La Réunion, ce matin, vous pouvez le retrouver à 13h30. On parle donc immobilier ce matin dans la matinale. Bon début de journée à tous. Et ensuite, vous on fera un première. Point trafic concernant notamment cet accident viaduc de Saint-Paul en direction du Nord. Ce sera avec Jean-Claude Machin. Ça bouge encore. Allez, armez-vous de patience. On vous souhaite une très bonne journée avec nous. Et puis, on est en avant vers le week-end. Hein. Oh Isa, yes, c'est baby. Parti. C'est parti. Voici Lily One The Brick. Prayer in C sur Première. Bienvenue. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, you never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Réveille comme chaque matin avec Grand Matin sur Réunion Première et on fait un petit point sur les routes à cette heure-ci avec un accident à Saint-Paul, Isabelle. Oui, Mickaël, on en parlait avant l'invité de Grand Matin. Accident sur la voie médiane, ça se passe sur le viaduc de Saint-Paul en direction du nord. Soyez bien prudents. Évidemment, on imagine que ça doit compliquer encore un petit peu plus la circulation. On fera un point avec Jean-Claude tout à l'heure dans une dizaine de minutes. Et d'ici là, oublie pas, hein, s'il y a un problème, oui. 99 2000, 70 2000 pour le SMS. Et le bouchon, c'est depuis l'échangeur de Plateau Caillou. Hein, actuellement, donc beaucoup de prudence et puis beaucoup de patience, surtout La Réunion.

Olivier de la Richaudie. Après la volaille, c'est la filière porcine pays qui communique avec le même objectif, informer les consommateurs et les inciter à choisir les produits de la Réunion. Avec le logo Port Pays, origine garantie, pas de doute, la viande est 100% pays. Vous pourrez la reconnaître grâce à un macaron aux couleurs du drapeau réunionnais qui sera visible progressivement sur tous les produits porcidou, porky et le fleuron de la Réunion. Avec ce nouvel étiquetage, les coopératives des producteurs de porc de la Réunion espèrent que le savoir-faire local sera reconnu. On écoute Geoffroy Chardon, responsable commercial de la SICA Viande Pays. Elle permet de promouvoir la viande de porc au sens large pour pouvoir promouvoir ses qualités proprement dites. Et surtout, la viande de porc pays, c'est justement une qualité supérieure à la Réunion avec un mode d'élevage particulier qui permet d'avoir une viande avec des qualités organoleptiques bien sûr supérieures. Et notamment, le porc pays aujourd'hui, il a un capital sympathie très élevé parce qu'il a bon goût. Il est vraiment très apprécié des Réunionnais. Et enfin, bien sûr, le porc pays, c'est aussi le développement socio-économique de la Réunion avec le développement des hauts, avec l'intégration de nos éleveurs qui sont nombreux puisque nous avons des petits élevages à La Réunion pour pouvoir faire profiter la filière réunionnaise à un maximum d'éleveurs et un maximum d'emplois directs et indirects. Geoffroy Chardon, responsable commercial de la SICA Viande Pays, interrogé par Priscilla et Thève. 7h36 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Dernier jour de visite à Mayotte pour la ministre des Outre-mer. Et hier, Erika Baredj a été accueillie à l'aéroport par les syndicats. Puis elle a poursuivi sa visite en se rendant dans un établissement scolaire, un lycée professionnel à Kaweni. C'est un lycée très prisé car son restaurant d'application a bonne réputation. Les 24 élèves en CAP restauration et cuisine ont eu donc la visite de la ministre. Hier, reportage Frati Youssouf Saïd. La République est fière de vous. Donc il faut continuer et ça marchera. Et c'est ce que croit Swali Ahmed, 19 ans. Il est en deuxième année de CAP restauration et cuisine. Depuis son jeune âge, Swali a toujours aimé mettre la main à la pâte et aujourd'hui, il a des rêves plein la tête. J'ai choisi ce métier parce que j'aime bien la cuisine. Je ne suis pas gourmande, mais bon, j'adore faire la cuisine. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu faire la cuisine. Quand j'aurai mon diplôme, je souhaiterais partir en France pour continuer là-bas. Après, si je travaille, je gagne un peu de l'argent, j'ouvrirai une entreprise. Une cuisine. Rukiam Kadara, 17 ans, assure le service en salle, elle aussi en deuxième année de CAP Restauration Cuisine. Son dada à elle, c'est de connaître les différentes boissons servies à table. J'ai choisi ce métier parce que ça me plaît et je voudrais découvrir encore plus. J'aime bien servir et aussi connaître les différents vins. Swali et Rukia ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir la ministre des Outre-mer. Une expérience incroyable, confie-t-il. Près de 1000 élèves suivent une formation qualifiante dans ce premier lycée des métiers de Mayotte. Un reportage de Frati Youssouf Saïd de Mayotte Première. Au programme de la ministre aujourd'hui, la sécurité en mer. Elle présentera également la nouvelle politique de l'État sur l'immigration clandestine. À la réunion du concentré de cinéma, ce soir, l'association La Lanterne Magique organise la nuit du court métrage. Près de 4 heures de projection sont au programme. Fiction, documentaire, animation. Cécile Levessière est la présidente de l'association La Lanterne Magique. Elle nous donne un aperçu de ce qui vous attend ce soir. On propose 3 sélections, avec en bonus et en avant-programme cette année les courts-métrages réalisés par les options cinéma audiovisuel des établissements scolaires. Une sélection à la découverte qui correspond à tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de courts-métrages, puisqu'on a la chance chaque année d'être présent au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et enfin la troisième sélection adulte du vendredi soir, porte sur les films plus expérimentaux. C'est à partir de 22h30 et on a organisé un petit entracte de 22h à 22h30. C'est une manière d'avoir un temps convivial autour des courts-métrages, discuter un peu des ressentis et puis repartir ragaillardi pour voir la suite et la fin de la nuit. Cécile Levessière, présidente de La Lanterne Magique, au micro de Mélodie Nourri. Et demain après-midi pour les Marmailles, donc avec La Lanterne Magique toujours, il y a des prolongations, c'est à 15h30. Tout cela se passe au Ciné Cambay, ciné spécial court. pour les petits demain. Eh ben, ça peut être sympa pour vos sorties avec vos marmailles. Merci Cécile. Merci Cécile. Parce que vous nous dites qu'il va pleuvoir demain, c'est ça? Non, on n'a pas dit ça, au contraire. Au contraire. Ah non. Bah, oui, allez, bah, bon week-end. Bah, oui, vous serez de quel côté, Cécile, vous? Côté de quoi? De Lille. Quel côté de Lille? Bon, il y a des chances que je sois du côté de l'Est. Bon. Bien. Eh ben, écoutez, on verra, hein, pour le temps. Merci, Cécile. Ah, ça veut dire rien qu'il vaille. Bon week-end. 7h40 sur la première. Alors, météo en temps réel, des nuages qui arrivent par l'est. Oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Il y avait du bleu ce matin. Ils sont nombreux, hein, les nuages. Hein. Ces nuages arrivent maintenant par l'est. C'était les entrées maritimes prévues par Météo France qui pourraient donner une ou deux gouttes, hein, sur l'est du département. Et puis, les éclaircies vont revenir, hein, puisque le soleil est majoritaire sur l'ouest, le sud. Actuellement, vers Saint-Gilles, vers Saint-Pierre, les hauteurs vont s'ennuager cet après-midi. Plus de grisailles, notamment dans l'ouest, entre la Possession et la région de Saint-Gilles. Des débordements possibles sur la côte et la plus belle région cet après-midi, ça sera entre Saint-Leu et Saint-Pierre puisqu'elle sera éclairée par le soleil, hein, qui brillera de mille feux donc sur le sud-ouest du département, alors qu'ailleurs on alternera entre nuages, passages nuageux et éclaircies. Les températures iront jusqu'à 28 degrés sur les plages, 16 au volcan, et ces températures vont continuer à augmenter les prochains jours. Mercredi et jeudi prochain devraient être des journées estivales dignes d'un mois de décembre. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Jean-Claude, vous êtes sur cet accident là, sur le viaduc de Saint-Paul. Oui, juste après le viaduc de Saint-Paul, l'embouteillage commençait à se résorber, mais un véhicule, ben, vous savez, cette partie est limitée à 90 km/h. Un véhicule qui arrive très vite à plus de 115 km/h, qui a tapé le véhicule qui le précédait, qui a fait un tête à queue, et la voie de gauche est neutralisée. Résultat, un peu plus de 2 km de ralentissement en direction de Saint-Paul. Alors si vous n'avez pas encore pris la sortie Plateau Caillou, faites-le, ça vous évitera sur ralentissement que l'on connaît en ce moment sur ce secteur. Il n'est pas prêt de se résorber, il faut aussi nettoyer la chaussée, les pompiers sont sur place, il y a un blessé léger. Donc la plus grande prudence dans ce secteur, je rappelle, secteur limité à 90 km/h. De l'embouteillage aussi sur la route littorale, si on était tout à l'heure à la pointe du Gouffre, mais ça s'est légèrement amélioré, nous sommes maintenant à la hauteur des potences pour aller vers Saint-Denis, et en provenance de l'Est, toujours ces ralentissements à la ravine des Chèvres. Sur la page de Réunion Première, eh bien vous pouvez voir les dégâts causés par ces deux véhicules, donc sur la page de Réunion Première, la page Facebook. Jean-Claude Machère, on nous donne un conseil, c'est Freddy qui nous le donne par SMS au 06 92 70 2000, en passant par Saint-Gilles-les-Bains ce matin pour aller à Saint-Paul, ça risque d'être moins long. Donc oui, c'est aussi une solution. Hein. Donc pour éviter cet axe, en plus la curiosité des automobilistes au moment où je vous parle, eh bien voilà, une voiture qui regarde, deux, trois, et tout le monde qui regarde. Voilà. Donc passer peut-être par le Cap Laoussé, donc du coup. Cap Laoussé ou éventuellement ce Saint-Gilles-les-Léo, par Plateau Caillou pour éviter ce ralentissement. Voilà, c'est le conseil InfoRoute de Jean-Claude Machère. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Et merci à Fréduit sur le 92. Oui, il y a qui toujours Fréduit. 70 000, c'est Fréduit et pas Freddy. Et vous savez quoi? Il nous reste que quelques minutes maintenant pour peut-être passer un week-end. Ah tiens, détente à Sillaos. Il y a quelqu'un qui participe là, c'est Ghislaine de Saint-André. Je note son nom. Et ben bisous Ghislaine. Et je mets dans la boîte pour le tirage au sort. Et comment elle fait? Ben, elle envoie j'aime grand matin sur le 06. C'est ce qu'elle a fait, donc c'est parfait. 92 avec son numéro. 70 2000. Et vous likez la page fan grand matin aussi. Ah, c'est ça. Et elle a tellement donné de détails, encore un petit, ça donne à nous le numéro de la rue. Numéro de sécurité sociale. Tout, bon. Numéro sécu, tout. On a besoin de tout ça, Ghislaine. Hein. Mais c'est bon. Très bien, Ghislaine. Vous avez bien fait comme il fallait. C'est bon. Et vous likez la page fan aussi, la page fan Facebook, grand matin, GRN, matin. On va sélectionner deux moons ce matin. Ouais. Un ou une d'entre vous repartira avec ses places de cinéma Pour aller voir Radin, Danny Boone, et puis une autre ou un autre ira au soleil de Sillaos à l'hôtel, ce week-end, à l'hôtel 4 étoiles. L'hôtel de Sillaos qui vous accueille avec destination Sud Réunion. Peut-être tout ça pour vous avant 8h. Oui. Il y aura le zapping aussi, le zapping de la première. Mon Dieu, le zapping, aïe. On vous dit que ça, aïe. Il s'en passe des choses, il s'en passe. Il essaye, la langue il maille, tout. Tout. Du lundi au dimanche. Vendredi, tout dimanche aussi, le week-end. Tout ce qui s'est passé sur votre radio. Ouais. Et tout ce qui s'est mal passé, le meilleur du pire. C'est surtout ce qui s'est mal passé, voilà. Ce que veut mon avis. Dans, dans le zapping sur Réunion Première, ça sera juste après 7h50. Puis juste ensuite, ça sera Jackie Rebelle pour la Coljac. Eh oui, ça parle la viande crocodile. Ah. Ça te l'a fait de manger ou pas? Eh ben ça. Hein. Ticoc Velay, laisse pas nous causer. Laisse pas nous causer comme la haute. La besoin exprimer, laisse pas nous causer. Donc elle a fin de saigner, laisse pas nous causer. Tout toi dans sa virée, laisse pas nous causer. Nos enfants la Réunion. Ote, nous la fin pris d'un top, laisse pas nous causer. Toi dans nous en massitroc, laisse pas nous causer. Ote, nous de bons efforts, laisse pas nous causer. Cavala nous a fait dehors, laisse pas nous causer. Nous enfants la Réunion. Ote, même pas les péchés, nous n'a plus le droit. Comme la nae loi, elle est là. Ote, même pas les baillés, nous n'a plus le droit. Comme elle a la fin de mettre un loi. Laisse pas nous causer. Tout pays là pour pourri, laisse pas nous causer. Il manque à l'île la vie, laisse pas nous causer. À nos enfants la Réunion. Côté, nous la fin fatiguée, laisse pas nous causer. Les joies n'a révolté si laisse pas nous causer. Nous les traumatiser, laisse pas nous causer. Nous trop conditionnés, laisse pas nous causer. Nos enfants la Réunion. Ça nous t'est vive, t'es notre liberté. Nous l'a pas volé, nous l'a mérité. Ok, laisse à nous tranquille, t'es sans nous te causer. Ça t'est nous tracé, égalisé. Hey, donne à nous un place pour dire parole. Arrête, dis-nous les pas capables. Hey, à nous rase pas nous-mêmes, nous les pas plus mal. Notre sommet, ça nous met mitra. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh. Tibani, tibani, oh, my. Tibani, tibani, oh, my. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Coq Velay sur la première qui sera l'invité de David Manteau. Demain, dans Acoustique Première, l'occasion pour vous, eh bien, d'entendre 5 titres seulement accompagnés de sa guitare, Ticoc Velay. Ne manquez pas ce rendez-vous, 18h-19h, demain, sur Réunion Première avec David Manteau. On revient dans un instant. Salut à Pascal, salut à Judith, salut à Nelly, salut à Yanis. Tout cela Delphine. Font partie de la famille Grand Matin. Eh bien, bienvenue. Aurélie, bienvenue à tous. Là aussi, okay. Et la page Grand Matin, si vous la likez, hein, c'est Grand, G-R-A-N, apostrophe, matin, juste derrière. Là, il sent le tirage au sort, il arrive. Et le week-end à Silos, au bout. À tout de suite. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.regionreunion.com. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au Week-end Nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Première. Alors vous savez hein, que Facebook ou encore Google connecte des récolte des infos sur sur nous, mais ça ne plaît pas à tous les pays. En tout cas, tous les pays n'acceptent pas. C'est qu'est-ce qu'on fait alors ? Nous dit Pascal Rizzo dans Connect Première. Connect Première. Bonjour. Si en Occident, les géants de l'informatique américains ont plutôt bonne presse, voire le partenariat récent signé entre Microsoft et l'éducation nationale en France, ou encore toujours Microsoft, qui signe un accord avec Renault pour la navigation avancée, la maintenance prédictive et la surveillance à distance des fonctions de ces véhicules, il n'en est pas de même partout. Et le fait que des logiciels puissent pister ou recueillir des infos de leurs utilisateurs ne plaît pas à des pays comme la Chine ou la Russie. Alors parfois, ces multinationales high-tech cèdent devant l'immensité du marché. C'est ainsi que Microsoft vient de préparer une version spéciale de Windows 10 pour la Chine, réalisée selon un cahier des charges strict dicté par les autorités du pays le plus peuplé du monde et qui intègre leurs services à eux. Pour l'anecdote, la Chine avait refusé Windows 7 et Windows 8. Les administrations chinoises tournent sous Windows XP et donc désormais sur cette version à la demande de Windows 10. Mais parfois, ça se passe mal. En Russie, période de néo-guerre froide oblige, les autorités ont lancé, il y a maintenant plusieurs années, des projets pour, à terme, arriver à se passer de ces sociétés américaines. Eh bien, c'est arrivé. C'est le magazine Bloomberg qui révèle que les 600 000 ordinateurs des administrations ont commencé à migrer de Outlook et des serveurs Exchange de Microsoft vers des logiciels russes de Rostelecom. Les particuliers sont également grandement invités à suivre la même démarche. Tout le système de vidéosurveillance de Moscou n'est plus géré par Cisco, mais désormais par un logiciel russe. L'agence de presse officielle a abandonné Oracle au profit d'un logiciel libre, qui permet donc d'avoir un accès au code source et ainsi de vérifier que le logiciel ne fait pas partie de la grande famille Big Brother. À terme, la Russie ne veut plus dépendre des systèmes d'exploitation américains comme ceux appartenant à Microsoft, Windows ou pour les mobiles à Apple et Google, iOS et Android. L'idée étant même d'éviter les processeurs Intel et AMD, les premiers étant aussi soupçonnés de renfermer des mouchards. Le dernier argument est économique. Les autorités russes dépensent chaque année environ 300 millions de dollars en produits et logiciels américains, une somme qu'elles souhaitent transférer à leurs propres entreprises. Belle journée. Ah, ça c'est doux. Doux comme le week-end que vous passerez en amoureux à Sylaos. Sûrement, ouais. L'un ou l'une d'entre vous, ceux et celles qui ont envoyé des SMS au 70-2000. Ceux et celles qui ont envoyé des messages sur la page Grand Matin, page Facebook. Parmi les 1030 fans de Facebook, on est une petite famille, mais on grandit. Chaque jour, parmi les 1030 fans de Facebook, il y a... A little community. Un heureux ou une heureuse ce matin. Dans la little community, comme, yes, baby. Comme dit ma chère Isa, yes baby. Alors, bon, déjà, y a quelqu'un c'est qui le moment de faire cinéma. Un tirage au sort. Ah eh ben oui, c'est le moment de faire un tirage au sort, les amis. Il est 7h53 dans toute la Réunion. Qui va au cinéma? Allez, qui va au cinéma pour aller voir le nom sur ce papier. Radin de Danny Boone. Et nous, on n'est pas radin avec c'est vous. C'est qui? Je crois avoir lu un I, un N, un G, un R, un I, un D, ça veut dire Ingrid. Ingrid, qui a envoyé son petit SMS. Félicitations Ingrid, deux invitations valables dans les salles du réseau Moréfilm pour ce film qui est sorti mercredi, Radin, le dernier Danny Mood. Danny Mood, oui, on est in the Danny mood. Danny Boone. In the mood for love. Multiplex Ciné Corbeil Saint-Paul, la case Saint-Denis, Plaza de Saint-Louis. On est dans la lune, hein, c'est clair. Ah bah oui. Enfin, je suis déjà assis là-haut, c'est un peu moins genre. The Moon. Allez, on appelle chez vous maintenant. Allez, on tirage au sort. Pour savoir qui va repartir avec sa nuit à l'hôtel. Le nom est sur ce papier. Ah. Là. Eh ben, on fait sonner. Allez, hop. On fait sonner et on voit ce qui se passe, si ça répond ou pas. Ah, si un numéro masqué qui appelle, répond, c'est nous. Réponde. Allez, allez. Tu ne réponds pas. C'est dommage, c'est un week-end à Silla au Sebourg. Allô. Allô Priscilla. Oui, bonsoir. Bonjour Priscilla. C'est Isabelle et Mickaël. Oui. Ok. Ok. Bon, bah, elle est bon. C'est bon, bah, on y va, hein, sinon. Hein, on dérange. Non, je saurais plus quoi, en fait. As-tu en cours? Ah oui. Eh ben c'est pas, c'est pas, c'est pas très grave. C'est pas cours de quoi? De culture générale. Culture générale. Donc on est à la fac en ce moment. C'est ça? On est à la fac. On est à la fac. Allez, 20 secondes, 20 secondes pour te dire, Priscilla. Félicitations. Que t'iras à Sillaos en week-end avec la personne de ton choix. À l'hôtel Sillaos. Voilà, c'est pour toi. C'est un cadeau Réunion Première et Destination Sud Réunion. C'est pour toi, ma chérie. Ah, je suis trop contente. Mais elle peut pas crier sa joie, il y a trop de monde et elle, en plus, elle est en cours. Oui, et puis après, le prof, il va vouloir prendre l'hôtel, lui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Allez, bosse bien, courage. Salut, Priscilla. Merci beaucoup. À plus tard. Bah oui, bah, on sait pas où on peut tomber. Hein. Allez, va, va. Là, on est tombé dans un cours à l'université. On dérange tout le monde. On a eu de la chance qu'elle réponde en plus. Oui, hein. Bah oui. Ça, c'est la fac, heureusement. Ça, on pouvait pas savoir. Aïe. Bon, et bah, si on écoutait le zapping. Ah là là. Parce que bah Florent, il est là. Hein. Bah oui. Donc, c'est le moment du zapping. C'est le moment du zapping. Et tu sais quoi, le zapping? C'est un festival d'à peu près. D'à peu près. Tout est à peu près. C'est vrai? Oui, du lundi au dimanche, toutes affaires, les faits à peu près. Allez, jingle. Première. C'est la faute à l'État. Auprès de l'État. Du travail noir. Ou pas, c'est la faute à l'État. C'est l'État qui fait avec la cause. C'est toujours l'État. C'est scandale. C'est l'État, c'est ça. À l'État. C'est l'État, c'est ça. Du travail noir. C'est l'État, c'est ça. On n'est pas des délinquants. C'est l'État, c'est ça. On n'est pas des voleurs. C'est l'État, c'est ça, c'est ça. À l'État. C'est l'État, c'est ça, c'est ça. Ouh là là là là. Don't have to be. Quand quelqu'un n'est pas malade, nos médecins sont un peu embêtés. Alors que chez nous, non, on se frotte les mains. Très bien. Ouais, d'accord. Si un chat il traverse le chemin que son fait, je crache. Pourquoi? Bah apparemment il peut être malheur qu'un chat il traverse le chemin. Bah oui. Ouais. Bah oui. Bah oui. C'est ça. Ah oui. Ben. Hein? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bon. Qu'on écoute maintenant. Bonne fin de. Bah, bonne fin de dîner. Bon appétit. Ouh là là là là. Attention! Un jour, m'entendais, on te dit la météo, on l'a dit comme ça, la pâte balcon. En tout cas, le balcon n'est pas, c'est pas de cuir ça. Oh là là! C'est quoi? Comment? À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous, Veluma, Kwaheri, Sambitsara, Atsika. Surtout pour les trois malgaces! Oui. C'est comme ça que ça se passe sur Réunion Première. Salut Jackie. Bonjour. On a mangé du crocodile. Ouais, on en aurait besoin, je pense. Un bon massalé la tête crocodile et pomme d'été à salade concombre. mais franchement. Non, mais que pas c'est la tête immense, bien c'est la queue. Mais que pas quelle partie immense, mais non, le crocodile le apparemment est bon. Ben, côté un de crocodile, steak. Ouais, le steak en peut-être. Steak. Parce que la queue doit être un peu dure, parce que là-dedans, même il n'a plus la force prétend. Ben donc ça veut dire qu'il n'y a rien à manger dedans. Ben, mais que pas comment il mange, Ali. En tout cas, on aura le chef Jérôme Loyer aujourd'hui avec nous ce matin. On va en parler entre 8h et 9h. 8h et 9h, et puis 9h-10h, compter les gens. Ouais, on aura compté les gens. Dernière ligne droite avec Grand Mercal aujourd'hui, sa légende. L'astuce, comment redonner de la sensualité et surtout une utilité au pain rassis, Fredo et Marlène. Et puis Marlène qui réclame des fleurs à son homme. Ça, c'est une affaire existentielle. C'est pour que bonne madame, il y a une fleur comme ça là. On aura la réponse entre 9h et 10h. Bah, tout le ça, geste, c'est avec Jackie. Merci à tous de nous avoir suivis dans Grand Matin cette semaine. Et puis Veluma. Non, je ne vais pas le faire. Kwaheri. Sabit. Surtout pour les trois margas. Voilà, c'est ça. Salut Jackie. Allez. Salut La Réunion. Bon week-end, Mika. Bon week-end, Isa. Jean-Claude ou les Saint-Paul? Oui, Saint-Paul, mais après, écoute à ça. Et Saint-Paul, eh bien, on a un petit kilomètre de ralentissement, donc ça va mieux. Vous avez été très certainement nombreux à rester sur la Nationale 1A où la circulation est très fluide, ou alors préférez encore plateau caillou tant que l'accident et que cette voie de gauche ne sera pas dégagée. Puis il faudra aussi nettoyer la chaussée puisqu'il y a aussi des traces de gazole sur cette voie de gauche. Alors je rappelle que dans cette portion de route, juste après la sortie du viaduc et bien même avant la partie du radar, la vitesse est limitée à 90 km dans ce secteur. Alors, allez, la petite anecdote amie sympathique pour terminer. Il y a un gendarme qui me disait qu'un jour, étant venu sur un accident ici, il y a un monsieur qui lui disait qu'avant cette route nationale, il y avait un cimetière, il y avait des morts enterrés. Et ce sont très certainement les morts qui soit surveillent la route, qui provoquent ces accidents à cause de l'excès de vitesse de certains automobilistes. Donc voilà pour finir. Voilà, c'est intéressant. Très certainement, Jackie. Bonne route à vous. Jean-Claude Machir sur Réunion Première, il est 8h. Journal de la rédaction présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Une affaire sordide, jugée aujourd'hui aux assises. René Joie, 38 ans, aurait tué son petit père. Il se serait acharné sur le Gramoun pendant son sommeil avec ses poings, une marmite et un couteau. Il encourt la perpétuité. Consternation ce matin au lycée Jean Inglot du Port. Deux enseignants ont été agressés, tabassés par un élève de 16 ans. Il n'aurait pas apprécié une remarque sur sa tenue vestimentaire. Résultat, un des professeurs a eu le nez cassé. Il a déposé plainte. C'est officiel, Marlène Noirot quittera son poste de directrice du parc national demain, 1er octobre. L'information est confirmée par le parc et par la préfecture. Et puis restez avec nous, il est de sortie à la fin de cette édition. Le département organise à partir de demain ses traditionnels week-ends nature. Des visites guidées gratuites seront proposées. C'est le dernier procès de la semaine aux assises et peut-être le plus sordide. René Joie, 38 ans, est accusé du meurtre de son petit père. C'était en 2014 à Montvert-les-Hauts. L'homme se serait acharné sur le Gramoun de 66 ans avant de porter atteinte à l'intégrité du cadavre. Nadine Bachelot. Quand on découvre le cadavre d'Expédito Bollion, il porte de multiples blessures, notamment des plaies profondes à la tête. Dans le quartier des Hauts de Saint-Pierre, le voisinage est perplexe. La concubine, longuement interrogée, mettra en cause son fils. Le cultivateur à la retraite l'hébergeait ainsi que son fils depuis plusieurs années. Ce soir-là, il serait rentré vers minuit, complètement ivre et en colère. Il se serait acharné sur le Gramoun alors que celui-ci dormait en